Bonsoir à Libreville. Bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Maintenant, on va parler, on va commencer par le frère. Je suis content d'être au milieu de vous. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Donne-lui la main. On va prier, d'accord? Père, merci pour cette merveilleuse journée que tu nous as accordée. Et merci pour cette soirée que tu nous accordes encore. Nous voici réunis dans cette maison ici à Libreville, Père, pour écouter encore de toi. Donne-nous les bons moments maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mon frère, vers toi maintenant je me tourne. Dis-nous comment tu es venu, à comprendre la vérité de la parole. Comment? Parce qu'apparemment tu as eu des chemins rocailleux, ainsi de suite. Des trajectoires peu orthodoxes. Oui, parce que moi j'arrive au Seigneur après avoir parcouru plusieurs croyances. Oui. Parce que au départ, j'étais catholique, j'étais à l'église catholique. Et puis après, je me suis rabattu dans l'islam. Non, non, on ne va pas vite aller comme ça. Ouais. Est-ce qu'il a quitté d'un lieu à un autre directement comme ça? Non. Dans l'église catholique, ouais. Ça c'est depuis l'enfance, ça. Depuis la jeunesse. Depuis la jeunesse, quand j'étais encore au primaire. Oui. Voilà. Donc par nature et par coutume, oui. On est à l'église catholique. On est à l'église catholique. Qu'est-ce qui t'a fait quitter l'église catholique? Bon, honnêtement, je ne comprenais pas exactement tous les rituels. Ce qui se passait. Mm. On est rentré dans le moule de groupe parce que tout le monde allait à l'église catholique. Il fallait aller prendre le baptême, après la communion, après la communion la confirmation. Oui. Donc, tu as confiné là-bas. Oui, j'ai fait la communion, le baptême, la communion et la confirmation. Oui. Voilà. Mais après, on nous utilisait déjà comme les enfants de cœur. Les servants, là. Parce que quand le prêtre se déplace pour aller dans les villages, on accompagnait le prêtre pour lire la parole. Et là, vous étiez fier de les servir. Oui, interpréter. Vous voyez que tout à l'heure, il a quitté rapidement de l'Église catholique vers l'islam, non? Alors qu'il y avait des choses à dire là-bas. Interpréter les... Bon, traduire, parce que souvent, quand on choisit ça, en passant, on allait dans le village où on parle dans mon ethnie, et puis je peux essayer d'expliquer. Ah, voilà. Voilà. Interpréter ce que le prêtre en a dit. Oui. Est-ce que tu as interprété toujours bien? Oh, là, je ne me souviens pas, parce que souvent, c'était un peu compliqué. J'ai même au niveau de la langue, c'était un peu difficile. Ouais. Mais c'est survolé, quoi. Survolé. En fait, voilà. Là, c'est en langue quel âge, comme ça? Bon, là, je crois que je devais être au CM2. Hein. Mmh. Au CM2, CM2. Donc, ça, c'est l'année 70, ça? Les années... 80. 79, je crois que non, 80. Mmh. 80. Mmh. 80. Mmh. Donc tu grandis dans ces rituels catholiques là, sans rien y comprendre, tu n'y piges rien du tout. Mmh. Rien du tout. Oui. Et puis après, bon. Et puisque je n'ai le compte avec la personne, donc je n'y vais plus, bon, je reste là, je vis normalement. Oui. Voilà. Maintenant, parce que j'ai l'un de mes grands-pères qui était musulman. Mmh. Qui a tenté de me convertir à l'islam. Donc je suis pas allé. Et puis après, pour la petite histoire, moi, mon père était musulman. Mon père était musulman. Mon père était musulman. Oui. Et donc, après, quand il m'a tenté de me convertir à l'islam, j'ai d'abord refusé. Et puis après, bon, c'est venu comme si ça gêne à quoi. Puisque déjà, même moi, mon père est musulman. Moi-même, je peux aussi faire l'islam. Et c'est comme ça que j'ai commencé à suivre la voie de Mohamed. Mohamed. Mmh. Comment était la conversion? Comment est-ce qu'on t'a converti, par exemple? Ça s'est passé comment le rituel? La shahada. On t'a fait réciter la shahada. La fatia. La fatia. Ah, mmh. On t'a fait réciter la fatia. Mmh. Et puis on m'a donné le Coran. Mmh. Maintenant on nous donnait la prière. En fait c'est transcrit un peu en français. Mmh. Mais ça n'a rien à voir. Voilà. Sur le ardoise. Sur l'ardoise. Mmh. Essayer de lire ça pour en fait réciter la fatia. Bismillah, Rahman, Rahim, tais-toi. En fait, c'est ce qu'il fallait réciter et puis apprendre comment faire les cinq prières. 5h30, 13h30, 15h30, 18h30. Mmh. 18h30. Mmh. Ça diffère au nombre des rakas. Mmh. Voilà. Mmh. Parce qu'il y a des trucs que tu fais deux rakas, et d'autres trucs que tu fais trois. et ainsi de suite, quoi. Ça diffère. Voilà, et puis bon. Comme mon père était musulman, et tous mes frères, du côté de mes demi-frères musulmans, donc je suis rentré dans le monde des musulmans. Voilà, quoi. Et là, est-ce que tu étais en paix toujours? Non, non, en fait. Quand on cherche le Seigneur, on essaie de. On cherche Dieu, on essaie de. Tâtonner. Mais on fait. En fait, je n'étais pas convaincu. On fait ça juste parce que. On pense aussi que c'est ce qui est normal. C'est ce qui est normal. Et donc voilà que je fais. Même les jeunes, les mois de Ramadan, les jeunes, tout ça, là, on faisait. Les rituels, là. Les sacrifices, les moutons et autres, tout, on faisait comme ça. Et puis les prières qu'il faut réciter. Pour chasser les mauvais esprits et autres, tout cela. On mettait. Rokia. Et puis on donnait les. Il y avait à l'époque, il y avait les scellés comme ça là. Quand on te donne, tu mets avant la maison. Tu mets à la maison pour chasser les esprits et autres, tout ça. Il y avait un CD. Oui, il y avait les CD. Et puis on te donne l'encens. Les encens à brûler. À brûler. Tu brûles, tu mets à la chambre. Voilà. Donc, et pendant que j'étais musulman, mon épouse, elle priait à l'Alliance chrétienne. Donc elle priait là-bas. Ici à Libreville. Elle priait là-bas. Moi je priais à la mosquée. Vous rencontrez à deux à la maison. On rencontre à deux à la maison. Comment ça se passe à la maison entre Mohamed et Jésus? Moi je prie. Elle aussi, elle prie. Le dimanche, elle part à la Sainte Église. Moi je suis pour la maison. Oui, vendredi tu pars aussi. Elle me reste à la maison. Voilà. Donc c'est un peu comme ça. Mais vous n'arrivez pas à discuter de cela? Si on discutait, parce qu'on discutait même au niveau de. Jusque dans le truc de l'islam là. Oui. On dit que Jésus n'est pas le fils de Dieu. Oui. On dit ça là, dans le truc là. Et donc la sourate 2, oui. La discussion tournait autour de ça. Voilà. Donc on discutait souvent, mais après, tu sais, les histoires de religion là, ça crée un peu. Ça crée tension. Tension, et puis à un moment. Donc Mohamed et Jésus ont failli vous faire divorcer. Voilà, donc c'était vraiment fort, là, on discutait. Oui. Après un moment. Mais elle, pendant ce temps, c'est-à-dire qu'elle, comme on dit toujours, comme les femmes, elle priait pour elle là-bas. Elle priait, elle faisait ses jeunes là-bas. Moi, des fois, je ne savais pas. Elle bombardait le feu derrière ton dos. Elle priait pour chasser ton Mohamed. Pour que je sorte de ce. De ce milieu là, parce que voilà, là, elle priait là-bas et tout ça là, bon, moi c'était pas mon problème, hein. Mais c'est quand même curieux ces histoires. À un moment j'avais arrêté, j'ai dit bon, je ne fais même plus de prières, parce que le principe c'est que les prières là, c'était fatigant. C'est fatigant, mais quand tu manques une prière, il faut rattraper. Oui, parce que tu as le principe de rattraper, c'est-à-dire que si tu dois prier à 13h30, et que tu n'as pas prié à 13h30, avant la prière de 15h30, il faut que tu rattrapes. Pendant la prière de 15h30, il faut que tu rattrapes la prière de 13h30. Et donc, tu cumules. Tu dis que, oh bon, je vais rattraper. Après, tu cumules, tu vois que c'est. Ça fait un jour. Ça fait un jour. Bon, c'est un fardeau à se lever. J'ai dit, bon, allez, laissez-moi ces histoires-là. Donc, je ne partais plus. Je ne faisais plus ça. Mais mon oncle, étant l'un des cousins de ma mère, étant musulman aussi. Oui. Donc quand j'arrête comme ça là, je suis vraiment tranquille. Mais quand je passe par un week-end chez lui, quand on veut tout ça là, il est tu commences à voler avec la prière là, je dis, attends, toi c'est compliqué. Il dit non, il ne faut pas relâcher, il faut reprendre tout. Il faut être un bon musulman. Allah récompense de bon musulman. Là-bas, il me demande de reprendre. Mes soeurs Anoumba Kiri et tout ça là, il me demande de reprendre et tout ça là. J'ai dit non. Un moment j'ai essayé de reprendre encore. Après. Tu sais, quand quelque chose ne passe pas, tu peux tenter de fausser après. C'est bloqué. J'ai laissé. J'ai laissé. Et c'est comme ça que. Et le vendredi, maintenant, tu restes à la maison. Oui, je reste à la maison. Madame t'a regardé seulement. Eh bien, tu ne pas plus. Tu n'es plus pour te dire, c'est un te regarde. Donc, lui est resté pour moi à la maison. Et dimanche, je suis pour moi à la maison. Donc, je suis là. Pendant ce temps, il partait toujours à l'église avec les enfants. Oui. Il partait à l'église avec les enfants. Donc, parallèlement, c'est elle prie quoi. Elle faisait ses prières pour que j'aille prier aussi avec elle. Oh, mais, puisque tu n'es pas prié à machin. Allons, je lui dis non, machin, pas voulu partir là-bas. Je ne vais pas partir là-bas, je vais sans raison. Et là, c'est là que je découvre le message du Graal. Le message du. Le message du Graal. Tu crois que tu vas devoir parler pour maintenant. Il faut qu'on te serve un peu d'eau à boire, non? Le message du Graal. Oui, message du Graal. Le Graal, c'est cette message du gobelet. Le Graal, c'est ce que Jésus a utilisé. C'était le mystère du Saint Graal. C'est clair. Du Saint Graal, oui. Je t'avais montré les c'est ce dont on parle dans Da Vinci Code. Attends. Oui. Le frère va prendre preuve à l'appui. Dans ce fort à Libreville. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, frère Bamba Iba. Oui. Que le Saint te bénisse. Voilà. Pour tout ce que tu fais. Parce que. Pour tout l'œuvre qu'il fait. Grâce à toi, j'ai connu la parole. Grâce à toi, tu m'as vu sur YouTube. Cet homme qui est galvaudé là-bas, c'est pas le frère Junior. On est aussi pour le frère Junior, on est sur le frère Bamba Iba. Donc Dieu t'encourage, donne la conscience et la foi. C'est lui qu'on est sur. Ouais. Dans la recherche, oui. Je me suis dit, bon, pour trouver des recettes comme ça là. Oui. Je suis, et un collègue m'a dit, non, il y a un monsieur qui va présenter un truc à la chambre de commerce et tout ça là. Oui. Il faut que tu viennes suivre et tout ça parce que c'est important, c'est l'élévation spirituelle. Parce que tu as. Wow. J'ai dit, ok, pas de problème, on est parti. On est parti. On a suivi la présentation, tout. Et puis il m'a dit non, pour évoluer dans ça, il faut lire ces documents-là, il faut lire. Et ici, on tient là trois grands documents, intitulés « Dans la lumière de la vérité, la message du Graal ». Voilà. Abdou Roshin. Et donc, comme ça là, j'achète ça. C'est ça en 1998. Oui. Donc je prends ça, et puis je commence à lire. J'ai lu tout ça là. Et moi, je suis passionné de la lecture. Oui. J'ai lu ça, j'ai lu. Bon, écoute, il y a des trucs que je trouvais intéressants dedans, des trucs intéressants dedans, donc... Oui. Donc, il y a des valeurs philosophiques dedans. Et voilà, l'expression, c'est celle-là, mais les valeurs philosophiques à l'intérieur. Oui. Et donc... Donc, c'est tome, c'est trois tomes. Et trois tomes. Premier tome ici, deuxième tome, dans la lumière, c'est intitulé... Dans la lumière de la vérité, et message voilà, du Graal. Message du Graal. Oui. Donc, mais tu sais, et ça fait un principe, c'est que... Moi, j'ai comme l'impression que moi, je suis en train de chercher dans ça, il faut un guide. Oui. Hein? Un guide qui peut t'orienter un peu comment il faut faire et tout ça. Là. Mais la personne qui s'occupait de ça ici, là, qu'est-ce qu'il faisait? Il m'a dit non, il a vendu les livres. Bon, maintenant, pour le rencontrer, pour partager, c'était toujours un peu difficile. On a fait peut-être une ou deux réunions comme ça. Là. Oui. Après. Bon, lui, il était donc, la personne qui t'y a conduit, lui, il n'épigeait rien. Non, il pigeait rien. Et puis j'ai rien. Oui. Moi aussi, je me suis dit, bon, écoute, j'ai déjà lu, j'ai tellement compris ce que je fais dedans là-bas. Oui. Mais avant ça, j'avais déjà lu peut-être je crois, 4 volumes ou 5 volumes de Mikhaïl Ivanov, c'est un russe comme ça là. Oui. Un maître spirituel, un truc comme ça là. Oui. Voilà. Je ne sais pas si il a ma quantité, je dois avoir aussi ce livre dedans là. Oui. En fait, c'est dans la logique philosophique également aussi, quoi. Oui. L'élévation spirituelle. Spirituelle. Donc, c'est du style de la religion du moyen oriental. Oui. Où on parle de réalisation de soi. Voilà. Rechercher Dieu qui est à l'intérieur de nous. Voilà, c'est être ça. Connecté avec le divin de l'univers. Voilà, c'est ça. Saisir la parole du Seigneur dans l'univers, voilà. Dans tout son sens. Mikhaïl Ivanov. Oui. Donc, j'ai lu Mikhaïl Ivanov. Après, je suis tombé sur celui-là. Donc, tu vois qu'il y a... Tu ne sens pas, tu ne retrouves pas quoi, c'est-à-dire que tu ne... Il n'y a pas de... C'est une lecture simple, une voilà, lecture à comprendre, tu n'apportes rien de... Oui. Donc je dis, bon, écoute ça, je prends ça, je garde, je laisse ça là, je suis pour moi tranquille. Ah, pendant que tu fais encore ça, tu n'as pas été toujours à l'Alliance quoi? Elle était maintenant chez Kina. Attends, mais, donc pendant que tu es en train d'immigrer, ta femme migre. Oui, parce qu'elle a l'Alliance chrétienne. Elle est où, la femme, l'Alliance chrétienne, quand on était à France, c'est vieux. Et quand on vit à Libreville, elle est partie à l'Alliance chrétienne ici là, à Libreville. Oui. Et puis après un moment, tu sais que comme le réveil, à un moment ça chauffait et tout ça là, tout le monde était dans la mouvance. La mouvance du réveil, c'est comme ça qu'elle se retrouve à Shekina. Donc, elle a aussi quitté l'Alliance chrétienne pour Shekina. Pour Shekina. Entre temps, tu quittes catholique pour musulman et puis musulman pour Saint Graal. Ça ne te laisse pas, tu vas sur tentative russe. Ça ne te laisse pas non plus. Oui, c'est que tout ça là. Continue. Donc j'ai dit, bon écoute, il reste là comme ça. Ça reste là. Et ce me faisant, donc je ne faisais pratiquement plus rien de spirituel. Quoi. Oui. Et c'est pour moi là tranquille. Oui. Donc, en réalité, qu'est-ce que tu cherchais là derrière dans toutes ces choses que tu visitais, René? Au fond, qu'est-ce que tu cherchais? J'ai même un passage que j'ai fait, une autre partie que j'ai oublié. Donc je crois que je pars en Côte d'Ivoire pour un stage. Oui. Et là-bas, il y a un grand maître qu'on appelle. Bon, Niazale, un truc comme ça là. Oui. Donc il fait des émissions dans une radio et tout cela. Donc j'avais capté l'une de ces émissions dans une radio où on traite avec les anges, c'est-à-dire qu'on met ton ange à toi. Ton ange gardien. Ton ange gardien, parce que chacun doit avoir, chacun a son non, ange. Donc il faut parler à ton ange, donc les prières adressées aux anges. C'est terrible. Voilà, oui. Et donc c'est un autre courant, ça. Ça, c'est un autre courant. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Oui. Et donc, en fait, après ça, là, quand je pars en Côte d'Ivoire, parce que je suis parti en Côte d'Ivoire en 2001, donc après ça, quand je pars en Côte d'Ivoire, c'est là, c'est à ce moment-là que je tombe sur les enseignements de ce monsieur-là. Donc, il y avait des petits livres comme ça, là. Mm. Ce sont les mêmes enseignements, comment faire ci, comment aller à l'ange, comment prier, adresser un truc à l'ange, autre, et tout ça, là. J'ai essayé de faire ça avec lui et tout ça. Il m'a donné ces trucs pour mettre ça en pratique. Mais au bout du rouleau, moi, je ne trouvais pas les faits dans ce que... Oui. Enfin, c'est comme si à un moment, on dirait que mon esprit un peu plus avancé que c'est... comme c'était rudimentaire. Voilà. Mm-hmm. Comme, un peu plus avancé que ces choses-là. Enfin, je ne trouvais pas... L'intérêt. L'intérêt. Mm-hmm. Et puis après, même un moment, il me dit, bon, écoute, voilà, il nous donne... Il te donne un pentacle. Pentacle. Pentacle, oui. Mmh. Donc, un pentacle, c'est une figure à cinq, une étoile. Voilà, il y a plusieurs dessins de tout ceci-là. Oui. Maintenant, tu dois prendre ton pentacle là. Et puis, tu dois coller ton pentacle là avec ta photo comme ça là. Oui. Voilà, ce que tu vois. Tu colles ça comme ça. Et puis, tu dois mettre ça dans ton portefeuille. Oui. Tu dois te balader avec ça après, pour attirer la chance. Ou pas pour... En tout cas, il y avait plusieurs types de. Rituels. Plusieurs types d'objets par rapport à ces pentacles. Oui. Donc tu vas savoir que tu vas voir ceci, tel truc, tu prends tel pentacle. Donc, en fait, je me suis retrouvé peut-être avec 4 ou 5 pentacles comme ça là. Oui. Coller les photos comme ça, puis mettre dans ma poche. Oui. Voilà. Tu devais beaucoup de choses, voilà. Dans ma poche. Ah, oui. Voilà. Et bon, et dis-nous encore, voilà. La chance te venait, te souriait. Bon, disons que la chance ne me souriait pas vraiment, parce que j'étais parti en stage. Oui. Donc, en tout cas, moi, je n'étais pas une situation où j'avais besoin de quelque chose. Mm-hmm. Bon, alors, quand tu mettais le pantalon, alors tu fais disons du pantalon, tu as fait quoi donc? En fait, le pantalon, là, à un moment, je ne comprends pas exactement. Quand on dit ça, ça va t'apporter, par exemple, la bonne relation avec les gens. Oui. Être en bon terme avec les personnes et autres, tout ça. Mm-hmm. C'est le type de pantalon comme ça là. Mmh. En fait, dans les pantalons, on dit amour, relation, tout ça là. Donc, quand tu mets seulement, et puis tu mets avec ta photo. Oui. Tu mets ta photo comme ça. Comme ça, donc, tout ce qui vient avec toi, soit en amour, t'aime. Voilà. En fait, c'est pour envoûter les gens à être soumis à toi. Voilà. Donc, tu mets ça dans la poche, tu te balades dans ton portefeuille, tu te balades avec. Donc, je suis sans Côte d'Ivoire là, j'ai mis ça dans mon portefeuille, parce qu'après, moi, je dis rien. Et donc, un ami, l'ami de l'une de mes nièces, donc qui j'ai fréquenté un peu tout ça, donc on parle des histoires du Gabon, comment ça évolue là-bas au Gabon, les tendances, donc tout ça là. Tendances religieuses. Tendances religieuses et tout ça. Donc je tente de l'expliquer, mais il me dit, toi tu es où? Je lui dis, non, mais moi je ne suis nulle part, hein, parce que j'ai essayé ces plusieurs trucs là, mais apparemment, il me dit, mais dans ton pays, il y a des grands courants, Ça, c'est un Ivoirien qui t'informe comme ça, oui. Il y a des grands courants de formation, de résicuissants, tout. Moi, je peux te mettre en contact, tout. Lui, il était quoi? Lui, c'est Ivoirien. Oui, il me dit qu'il est dans quel ordre, là? Il était dans quel courant? En tout cas, il était dans... La Rose Croix. Il était dans les deux courants. Il était la Rose Croix et la formation. Dans la formation. Oui. Donc, il me dit, mais écoute, moi, je ne peux pas te... Je ne peux pas te lancer comme ça là, mais voici quand même, je crois quand même deux ou trois brochures comme ça, c'est le livre ça. Oui. Et puis après tu me diras ton point de vue. Ton point de vue. Donc j'ai lu le premier truc qui m'a donné là et tout ça. Je dis, mais je vois pas de mal à ça. Mmh. Parce que c'est simple, c'est philosophique, ça a un peu de sens pour la vie normale. La connaissance de machin, tout ça, les lettres. Je dis, il n'y a pas de mal à ça. Et bien, ça t'intéresse, je peux te parrainer. Hein. Je dis, il n'y a pas de problème. Et nous rappelons donc pour ceux qui nous écoutent que ça ce n'est que la part. Oui. Parce que la part c'est la face voilée. Voilà. Il présente d'abord ce qui ne doit pas effrayer les gens. Voilà. Et puis par la suite, au fur et à mesure que tu prends goût, que tu montes à la maison. Et donc comme ça, je prends le formulaire, j'ai rempli le formulaire, me donne l'adresse, tout. Et puis j'envoie. J'envoie le formulaire à l'adresse. Maintenant après, l'homme me renvoie les documents et avec un autre formulaire me posant plusieurs questions. Oui. Et donc, il me demande beaucoup de questions. Oui. sur ta vie, sur ton épouse, sur tes enfants, tes enfants. Quand j'ai lu tous ces trucs-là, quand ils ont parlé des enfants, ils ont dit, tu as dit, ah, donc c'est plutôt pour toi. Tu as compris que là, tu veux mes enfants. Là, il veut demander les enfants, les machines, tout ça. Je dis, quand on pose des questions comme ça, là, c'est un bon matin, on va te dire. Maintenant, voilà, c'est un comme averti, aussi de m'embarrer. Tu n'as plus répondu. Tu n'as pas répondu. Donc, la meilleure question, moi, je me dis, mais tant pis, vraiment, tu évolues. J'ai dit, j'ai écrit, non, répondu, mais je n'ai pas réagi. Il me dit, mais il faut réagir. Je lui dis, non, oui, bon, c'est pas grave. Oui. Quand tu iras au Gabon, je vais t'orienter chez quelqu'un, et puis comme ça, là, il va te. Donc, tu vois qu'ils sont sur le plan international, ils se connaissent. Bien même. Très bien même. Tu dis, il n'y a pas de problème. Et puis, moi, je vais terminer mon stage. Même avant de terminer mon stage, bon, je n'étais plus vraiment trop dans ça. J'étais plus vraiment dans ça après. Je suis rentré. Donc je n'ai plus jamais recontacté celui-là pour tout me mettre en contact avec. Avec celui dont tu parlais ici au Gabon. Ouais. C'est comme ça que je suis rentré. Et quand je rentre comme ça là, je suis toujours dans ma recherche. Oui, ouais. Bon, ouais. Tu recherchais quoi au juste? C'est ça le problème. C'est quand tu lis les livres, tu dis waouh, il existe des bonnes choses ici. Ouais. Qu'est-ce que tu cherches au juste dans ton cœur? Mais normalement, sincèrement, je cherche Dieu. Oui. Je cherche Dieu. Et puis quand tu rentres dans ce truc-là, tu ne sens pas la manifestation de ces choses-là. Parce que, en fait, je ne vais même pas approfondir de ces choses-là. Parce que quand je commence à sentir que bon, c'est pas vraiment. C'est pas le chemin. C'est pas le chemin, je me retire. Tu abandonnes. J'abandonne. Parce que c'est comme ça que j'ai fonctionné, j'abandonne. Quand je sens que c'est pas ça, j'abandonne quoi. Oui. Comme j'ai dit, quand même dans ça, il faut comprendre que. La logique philosophique, c'est-à-dire qu'on veut montrer comment il faut évoluer spirituellement dans la société et tout ça. C'est ce qui résume un peu les trois cas de. Quand je prends Mikaya Ailanov et Sarah. Oui, le message du Graal. Le message du Graal, et je prends le truc de la Côte d'Ivoire là. Oui. Il fallait parler aux anges là et tout ça là. Oui. Je me suis dit bon. Normalement là. Donc tu cherches à contacter Dieu, on te dit qu'il faut parler plutôt à l'ange. Voilà, à l'ange, ils me disent qu'il faut parler à ton ange. À ton ange, donc laisse Dieu tranquille. Okay. Je me suis dit, bon, là c'est pas compliqué. Je suis rentré en 2004. 2005. J'étais là, tranquille, donc je n'allais ni nulle part. Je ne faisais plus rien là. J'étais dans mes activités normales. Hein. En même temps, la femme était toujours à Shekina. Toujours, Shekina. Oui. Toujours à Shekina. Elle était là, elle me dit, mais chérie, on est resté comme ça. Là. Alors, quand même, Shekina, c'est ici à Libreville. À Libreville, on appelle ça Centre Mondial Shekina. Centre Mondial Shekina. C'est un temple. C'est un temple. C'est-à-dire qu'on a une église, la dénomination. Comme ça. Non, pas sur le territoire. Ils n'ont que deux trucs. À Libreville, ils ont deux lieux. Oui. Ici à Vendo et. L'hôpital général. Ouais, l'hôpital général. Et je crois qu'il y a peut-être une tentative de celui à Port-Gentil ou à Grand-Marin. C'est comme ça que bon. Je dis qu'il n'y a pas de mal à ça. On est parti à Chipina. Bon. Donc finalement, tu as capitulé. Oui. Tu as décidé de suivre maintenant, madame. Donc, elle t'a gagné. Elle m'a gagné. Donc c'est comme ça qu'on part à Shekina. Oui. Le premier jour on me reçoit, on me donne un formulaire. Un formulaire aussi à Shekina. À remplir, oui, nom, prénom, machin, tout ça là, je remplis. Fonction. Tout. Là où salaire, tu travailles. Voilà, je dors. Non, pas salaire. Fonction, tout. Je remplis. Après le culte, c'est après le culte, le premier culte qu'on me donne ça. Maintenant, il fallait suivre l'enseignement pour. Les nouveaux convertis. Donc d'après, quand tu es venu là, tu es directement converti, quoi. Il fallait suivre les anciens, il fallait faire le baptême. Il fallait faire le baptême, oui. Et donc, on fait les anciens, il fallait faire le baptême. Ah, ils sont au 500. Apocatif à comment? Charbonnage. C'est possible. Tu dis, tu te mets ça à Libreville. Apocatif à comment? C'est Bellevue 2. C'est ça, non? C'est Bellevue 2. Charbonnage. La Belle-Air. Belle-Air. Jean-Saint-Abelle. Parce que je ne me connais pas dans cette ville-là, quoi. Qui était aussi? Okay, on va venir vers toi, oui. Et donc, c'est comme ça que je pars en faire un peu de Seigneur et je commence à suivre les cours pour le baptême. Mmh. Après, le moment du baptême arrive, on va baptême, on le baptise. Mmh. Et c'est comme ça qu'on suit les cultes normalement, après le problème avec tous les dimanches et tout ça. Tous les dimanches, on partait au culte. Et il fallait maintenant suivre les programmes de vendredi à culte, tout ça, et c'est là. Maintenant, il fallait entrer dans un département. Il fallait être occupé. Voilà. Mmh. Mais en fait, ça ne me tentait pas ce truc-là. Mmh. Aller dans un département, je me suis dit, non, moi, je viens dimanche, ça me suffit. Mmh. Mais parce que dans la semaine, il faut faire encore notre culte. Mmh. Donc, je venais par exemple à ce culte-là, le culte du de vendredi et celui du dimanche. Mmh. Mais le reste du culte-là, je n'y allais pas. Quoi. Mmh. Donc, je suis resté là un moment. On a suivi les enseignements, on essaie de vivre. Mais quand on est à la vie chrétienne, on se dit, mais les choses. Doit forcément avancer. Mmh. Apparemment, tout est toujours en rond, quoi. Tu ne ressens pas la présence du Seigneur. La présence du Seigneur. Voilà. C'est aussi mort comme dans les voilà. autres. Mais on te donne, par exemple, maintenant, entre les jeunes et tout ça là, et on te donne des prières pour couper les liens avec les esprits. Démoniaque. Familial et autres, tout ça. Oui. Voilà. Donc, tu dois réciter ça entre 24h et 13h. Mmh. Voilà, tu as récité ça. Et tu vas faire comme ça, après le lendemain, tu vas aller au travail. Voilà. Tu as fait ça, Seigneur Jésus, voilà, je brise le livre. Tu as fait ça pendant 7 jours, tu dois faire ça. Mmh. Tu fais ça après. En tout cas, ça ne change pas. Ça ne change pas. Peut-être parce que ta matière n'était pas bien limée. Quoi. Voilà, donc je reste là et Dieu faisant ces choses. Mais je sens que là, ce n'est pas vraiment ça. Mmh. Parce qu'un truc qui me dépassait, c'est que quand on est allé au culte là, à Shekinah là, c'est la façon de crier là qui me dérangeait. Oui. C'est-à-dire que ça sent quand on crie dans le gouvernement, ça sent me déranger tellement. Ils avaient les micros, les baffes et autres. Bon, quand les micros, quand on demande déjà aux gens de crier en langue, oui. Tout ça là. Oui. Bah, dans tes oreilles. Ça me dérangeait vraiment, je me sens. Mm-hmm. Donc du coup, je disais que ça là, il y a des images par terre. Mm-hmm. Des images par terre. Mm-hmm. Et c'est le suite. Quoi. Puis bah, quoi dire, présent, je tiens encore un stage. Qui m'a mis en France. Oui. Quand je vais pour Marseille. Mm-hmm. Quand j'arrive à Marseille comme ça, donc je me suis dit, bon, comme j'avais commencé à arrêter d'aller à Chicouma, j'arrive à Marseille, je dis, bon, là, je suis le projet, je ne vais nulle part. Mm-hmm. Je reste à la maison. Mm-hmm. Donc, je reste à la maison, je suis sur Internet, je fouille les enseignements à gauche, à droite, mm-hmm. Je vais écouter les enseignements du frère Henri Vieux. Vieux Moura. Voilà. J'écoute le frère Chora, j'écoute l'autre frère de Georges. Mmh. En fait, j'essaie d'écouter. Tu parles d'autre. Tout. Mmh. J'essaie d'écouter tout. Mmh. Mais je n'y vais pas. Mmh. Je n'y vais pas. Mais dans ces enseignements-là, l'enseignement qui me captivait déjà, c'était l'enseignement du frère Chora. Mmh. Donc je dis à. J'essaie de suivre un peu tous ces enseignements-là. Mmh. Sur différents thèmes, j'essaie de suivre. Donc j'ai tout quand même des trucs un peu cohérents et autres, tout ça là, les messages qui dénoncent certaines pratiques qu'on fait dans les églises, les bâtiments et autres, tout ça là. Mmh. Et c'est quand même, en regardant la parole, c'est quand même des choses réelles. Mmh. Donc je suis ça. Et j'appelle l'enfant, je dis, ah, il y a un frère qui sera lui venu là, il faut aller sur l'enseignement, qui sera du côté du gymnase. Mmh. Donc aussi elle part elle sur les enseignements. Je dis, après je l'appelle et je dis, comment tu as trouvé ça? Il me dit, c'est quand même acceptable, surtout le message que tu as trouvé, c'était un message sur la Bible, tout ça là. Mmh. On voit qu'on en parlait déjà. Et par contre, elle dit c'est là-bas quand on ne le connaissait pas encore, quand il venait faire l'enseignement à Libreville. Notre pasteur a dit, non, il y a des gens qui viennent ici à Libreville, qui viennent enseigner des messages diaboliques en disant aux gens de ne pas payer la dîme et autres, tout ça. Oui. Mais Dieu doit punir ces gens et autres, tout ça, là, parce que c'est une malédiction. Mm-hmm. Donc, tu as fait ça comprendre que quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Donc, chacun défend son intérêt. C'est là que je dis à mon épouse, écoute, il faut faire maintenant attention. Déjà même un, Parce que même moi, quand j'étais en France, j'ai envoyé l'argent pour la Guinée. Mmh. Donc même étant en France, mmh, tu envoies l'argent ici en Côte d'Ivoire, mmh, ici au Gabon, mmh, tu donnes la dîme. Oui, le principe, c'est quoi? Quand même le pays prend le salaire, elle m'envoie une partie. Mmh. Et bon, donc, j'ai dit, elle enlève la même la dîme, elle mmh, pourrait aller pour moi. Et puis elle m'envoie. Après un moment, elle aurait, quand j'ai commencé à souffrir ensemble, après elle dit, moi, je ne donne plus ça. Mais mon argent, là, envoie totalement ici. J'ai dit, envoie ici, ou pas envoie à l'enfant qui est au Ghana, parce que le petit était au Ghana. Oui. J'ai dit, bon, augmente l'argent pour la fille qui est au Ghana. Oui. Parce que, bon, ça ne sert à rien de marcher. Mmh. Ou bien, après, moi, j'ai dit, écoute, essaie de voir, et ça me fait mourir. Essaye de voir les gens qui sont dans le besoin. Oui. Dans ta famille là-bas, tu leur dois. Tu leur donnes. Parce que ne donne plus l'argent, ne donne plus l'argent. Mmh. Elle aussi, elle a compris. Mmh. Et donc, quand elle a fait ça, en fait, le premier truc qui l'a encore touché, c'est que elle, pendant qu'on donne la vie, mmh, elle va à mon compte. Elle va trouver une somme d'argent. Mmh. Elle m'a fait pour dire que non. Il y a une somme d'argent ici là. Est-ce que tu as. Et demain, je vais rien faire. Il m'a dit, oh, j'ai trouvé plus de 700 000 francs dans ton compte. Oui. Et vous étiez étonné d'où ça sortait? D'où ça sortait. Mmh. J'ai dit, mais c'est qui quoi? Regarde, va prendre le bulletin blanc pour vérifier. Mmh. Et elle est partie dans le bulletin blanc pour vérifier. Et puis l'expression mise dans le bulletin blanc, c'était si c'est toi. Un truc actuel un peu à l'échange, je ne sais pas. Mm-hmm. J'ai dit, écoute mon cher, moi je ne sais pas, juste le trésor qui est envoyé, c'est que ce n'est pas de l'argent volé. Faut prendre ça, on va utiliser. Oui. Faut prendre ça, on va utiliser, puisque, en fait, moi je crois que c'était peut-être que la banque a fait une erreur, parce que si la banque fait une erreur là, oui, ils vont retirer un peu. Tu aurais des problèmes. Mm-hmm. J'ai dit, mais si c'est le trésor là, n'éteint pas, moi, mm-hmm, on va utiliser. Mm-hmm. Donc j'ai dit, arrête, n'envoie plus. Et donc, comme ça, on commençait à suivre tous ces enseignements-là, mmh, hein, sur le mariage, sur tous les thèmes qui fâchent là, quoi. Mmh. Voilà, essayer de suivre ça. Les thèmes qui fâchent. Oui, essayer de suivre ça, et avoir des points de vue un peu carrés déjà, quoi. Oui. Donc, tu les dis même plus déjà carrés, on a dit, bon, on ne donne pas, c'est bon, on a compris. Mmh. Et les pasteurs ne sont pas fâchés? Bon, puisqu'on s'est déjà retiré, parce qu'on avait dit que le père vit là-bas. Mmh. Et bien, effectivement, ça m'arrange parce que je n'avais même plus le temps d'être pour les enfants. Il faut partir avant le mercredi, jeudi, vendredi, le temps de revenir et tout ça. Vraiment, ça l'occupait trop, quoi. Mmh. Et suivre les enfants, dit, tu as vu, ne pars plus. Mmh. Si tu veux pas rester comme ça, pars au moins le dimanche et le bas, mais vraiment, avec le programme de lundi, mardi, mercredi, sans. Vos affaires étaient ensemble, vous vous occupez tellement que vous n'avez pas le temps pour votre propre vie. À 100%, vous n'avez pas le temps pour votre propre vie. Mmh. J'ai dit, ok. Alors moi, si je continue à faire mes recherches, à suivre les enseignements, mmh, et puis après, quand je rentre, comme tout était déjà dans la logique de l'enseignement de frère, mmh, voilà. Donc, ils ont fait, avant de rentrer, ils ont fait, on appelle ça une action de grâce à Sarcelle. Mmh. Donc, je quitte Marseille pour partir à Sarcelle, pour les suivre, et tout ça là. L'enseignement, après je suis rentré. Maintenant, quand je suis rentré, ici, là, de Fonti, moi, je dis, oh, écoute, c'est que ce soit des chiffres-là, on n'est pas plus. Mm-hmm. Maintenant, on m'a dit qu'il y a des gars, il y a des frères qui partagent la parole, qui vont aller partager la parole avec eux. On va chercher où ils sont. Donc, les gars, les amis en France, alors, m'ont donné les coordonnées, mm-hmm, des frères ici, là. J'ai appelé les frères. Ils m'ont dit, mon père, il a dit que je viens d'eux. Il dit, justement, dans le window, dans ton approché là-bas, il y a une cellule. Mmh. Et donc, il n'y a pas de problème. Je suis d'abord resté peut-être 5 ou 6 mois sans contacter les gars. Après, j'ai contacté, ils vont monter la cellule. Mmh. La cellule n'est pas loin d'ici, quelque part. Mmh. J'ai dit, oh donc, ça nous arrange. Mmh. Et on partait maintenant là-bas le dimanche, avec ma femme et moi. Enfin, tout le monde est parti là-bas. Mmh. C'est là où j'ai rencontré le frère Ducro, Eric. Mmh. Voilà. Donc, on était là-bas, on persévérait là-bas. Mmh. Mais ces choses-là, c'est que quand on enseigne, que tu as déjà une compréhension de certains passages du livre, oui, tant que les gens ne font pas ça, c'est-à-dire que c'est comme si tu contribuais à leur péché. Oui. Ce que tu vois. Mmh. Donc, il y a des choses qui n'étaient pas vraiment. Le sens qui n'était pas vraiment clair quoi, par rapport aux gens. Puis il n'y a pas de leader. Oui. Donc, c'est pour. Il n'y a pas de conducteur, de quelqu'un voilà, qui. Voilà, il n'y a pas de conducteur. Mmh. Donc, moi, par exemple, je viens, je dis, bon. Alors je parle de quel verset, je ne maîtrise pas le contour de Dieu. Donc ce frère Dimitri va venir, va dire moi, aujourd'hui c'est moi, et c'est comme ça, donc chacun va compter. L'église c'est pas comme ça. Voilà. Ce n'est pas la cour du roi Pétou, chacun doit dire n'importe quoi. Voilà. Et c'était ça, après un moment là, même pas eu, j'ai gens qui ont rencontré là-bas. Bon, en fait, sur l'information, moi, je n'étais pas d'accord par rapport à la Bible. Je dis, c'est pas ce que la Bible dit. Donc, bon, il m'a dit, on ne discute pas, on va voir le Saint-Esprit, va nous parler, et tout. Après, je ne partais plus. Je ne partais plus. J'ai fait peut-être, combien de mois là, je ne partais plus. Et ils ont fait une délégation là-bas pour venir me voir ici, on a fait Frida, pourquoi tu. J'ai dit, non, c'est à cause de ça là, parce qu'il faut que. Il faut qu'on se comprenne. C'est à cause de ça. Moi, je ne vais pas venir chercher les problèmes et tout ça là. Moi, je préfère rester à la maison. J'ai lu ma Bible. Le jour que Dieu va me parler, il va me parler. Moi, je ne peux pas attendre à la maison. Oh non, il faut venir et tout ça. Tout le monde est venu. Écoute, je dis, je vais revenir. C'est vrai, je suis parti. Mais, Dieu, moi, je ne voulais pas que la série. Le propriétaire de la maison chez qui on faisait la série, il a eu un job en France et lui. Donc la série c'était clair que chacun s'est débrouillé maintenant comme le feu. Et donc le frère du clos, c'est là où vous rencontrez, c'est pour ça que vous étiez surpris de vous voir ici. Voilà, c'est là que j'ai rencontré. Et on partageait là-bas ensemble, on se voyait ensemble. Et comme le frère est parti à Franceville, chacun s'est débrouillé maintenant. Alors, là on nous a dit non, ceux qui payaient au 22 à Rugier, la série la plus proche de vous c'est Sogatel ou à Ouindjé. Donc, si vous pouvez venir, parce que Zion, c'est loin, si vous pouvez venir à Wendy ou à Sogatel, moi je n'ai même pas dit à Wendy. Mais la mère, il me dit, on ne peut pas rester comme ça. Et tu vas refroidir. Tu vas refroidir. Et puis il dit, mon cher, moi je ne bouge plus. Moi je reste là. Et je que le Seigneur va dire que, voilà, je ne bouge pas. Donc elle partait maintenant, elle-même, maman, à Wendy, là-bas, elle partait avec les enfants. Et puis après, moi, elle aussi, elle ne partait plus. Parce que moi je ne partais plus. Donc je restais là. Quand l'ordinateur était quelque part là, quand tous les matins, c'est comme si mon réveil, j'étais en Rivio. J'ai même téléchargé beaucoup de trucs dans Rivio, de Flora et autres, tout ça, des enseignements et tout. Maintenant, un jour, je ne sais pas si le frère Naman dénonçait un pasteur, un prophète ivoirien comme ça, là, qu'on appelle. Salomon, un truc comme ça, là, c'est un enseignement comme ça. Salomon. Voilà, un enseignement comme ça. Donc, quand on déroule la page YouTube, tu vois, il y a toujours les titres d'enseignement, tout ça. Hein. Donc, je ne connaissais pas trop, là. J'ai vu les titres. Bon, j'ai bien écouté l'histoire qu'il avait appelé, il a supplié, il a répondu que je peux vendre. Tu as suivi ça aussi. Après, un coup, je regarde, bon, qu'est-ce que je fais, je vais écouter ça, qu'est-ce que je fais. Parce que moi, ce qui m'excellait dans ça, c'est que. C'est vrai que s'il faut dénoncer, moi, la dénonciation est tellement que, bon, après, il n'y a pas d'enseignement. Il faut vraiment. Moi, c'est plus l'enseignement qui m'intéressait. Voilà. Donc, je reste là. Et, quand je vois un autre truc. Donc, quand tu ouvres le lien de cet enseignement, il y a sur YouTube, il y a l'onglet, d'autres enseignements qui sont proposés. Oui. J'ai dit, bon, je tape d'abord dans ça. Bon, ça n'a pas de sens. Moi, je vois Baba, Iba, tout ça là. Je vois le titre. Baba, Iba, qu'est-ce que Bamba, Iba, c'est quoi ça? Bon. Allez, je tape, boum, je rentre. Bonsoir. Je tape, boum, je rentre. Donc, j'écoute. C'était quel enseignement? Là, je me souviens plus. Oui. Mais j'essaie de comment ça s'est passé. Oui. J'écoute un monsieur qui dit on va prier, tout ça là. Il prie. Quand il termine de prier, il dit bon. Je suis là, il y a des questions à me poser vos questions. Il dit, ah, ça c'est qui veut demander aux gens de poser des questions? Parce que partout, je suis basé, on ne pose pas des questions. Tu ne peux pas poser des questions. Même là où on partait à machin là. Tu ne peux pas, si tu poses des questions, c'est le gars qui te l'aime. Il dit, ok, je peux d'abord, pose la première question, il répond. Pose la première deuxième question, il répond. Et puis ainsi de suite. Vraiment, c'est. Mais moi, il y a un petit détail qui m'a captivé en plus. Oui. Parce que vous savez, quand on pose la question, l'instant de réponse, c'est-à-dire que quand on pose la question, la personne répond, mais il y a une différence, c'est que quand la personne répond, ça va vite. C'est-à-dire qu'il répond à la question, il répond à la question en expliquant tout. Et puis après, il dit, ouvrez dans votre livre, ainsi de suite. Ça veut dire que. Mais ça veut dire que. quand c'est qu'il a tiré lui, il ne regarde pas ça dans la Bible. Est-ce que tu vois? Mm-hmm. Donc, reste là, tranquille, non. Il faut que je suive encore d'autres enseignements. Mm-hmm. Parce que le temps où tu réponds, mm-hmm. parce qu'il a dit, ouvrez vos livres, ça veut dire que nous tous, on lit. Mm-hmm. Est-ce que vous voyez? Mm-hmm. Ouvrez vos livres à Romains 8. Oui. Donc, tout le monde ouvre les livres, donc il lit. Mais il n'a pas dit, ouvrez vos livres. Mais il explique. Mm-hmm. Il explique. Mais vraiment, il explique lui-même. Là, quelque chose. Mm-hmm. Donc je m'arrête là. Mm-hmm. Je reviens encore écouter l'enseignement. Mm-hmm. Donc je suis maintenant parti dans le site. Mm-hmm. Et j'ai vu la liste de l'enseignement. Allez, j'ai commencé à suivre les enseignements. Mais il y a une cohérence que tu ne peux pas imaginer. Mm-hmm. Est-ce que tu vois? Jusqu'à ce que c'était maintenant mon repas. De tous les matins, de tous les soirs. Allez, je suis là-bas, je suis là-bas. Tu ne disais plus que Bamba et Bassé, même quoi? Non. Mm. J'ai cherché maintenant à comprendre. Mm. Parce que tu sais que le fait de l'audio, mm-hmm. tu ne connais pas les gens. Oui. Et puis il y a aussi un autre détail, c'est qu'à la fin de l'enseignement, tu avais toutes les adresses. Oui. Parce qu'on sait quelqu'un qui va donner toutes les adresses. Là-bas. Le numéro de téléphone, les Skype, les mails, tout est là-dedans. Oui. Dans les autres trucs là, c'est pas facile. Mm-hmm. C'est pas facile. Donc j'ai vu tout ça. Et donc je continue à suivre. Je verrai comment ça va évoluer. Mm-hmm. Tu as écrit les numéros, tu as gardé là. J'ai gardé les numéros. Les numéros sont là. J'ai tout gardé là. Les noms, le tout est là. Mm-hmm. Ça, quand je suivais les enseignements, c'est comme ça que je fonctionnais. Je mets les versets, je mets les notes, mm-hmm. je mets, tu as vu, je mets les notes, je mets tout. Je mets tout ça là, je fais. Et donc je dis, bon, on va voir ce que ça va donner. Donc je suis là, je suis. Et l'enseignement qui m'a vraiment boosté, c'est rechercher l'intimité ou la face de Dieu. Rechercher la face de Dieu. Oui. Parce que c'était des instructions qu'on donnait pour un jeune de 21 jours. Oui. Expliquer tout. Allez, je rentre comme un cheveu dans la soupe. Tu as dit que ça ne peut pas te laisser. J'ai dit non, là j'ai trouvé mon compte, je rentre là-dedans. Oui. Donc quand j'ai vu le titre à fin du mois de juillet, oui. le 1er août, c'était dans un jeune de 21 jours. Oui. Donc je suis les instructions là comme il y avait le mot. Oui. Vous verriez tout. Vous ne sortez pas. Oui. Restez dans votre chambre. Voilà là. J'ai mis tout ça en pratique, ça a chauffé chez moi aussi. Ça a chauffé, raconte-nous. Ça a chauffé. Amen. Ça a chauffé, il y a eu le feu dans la maison là. Amen. Ça a chauffé. Même le mec, écoutez, il est même parti de la maison. Oui. Il a appelé les parents pour dire que votre fils est grave. Non, là. C'était grave, ils ont appelé les filles en France. Les filles ont appelé la même et la pression était forte. Oui. Il est injoignable. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il est gravement malade. Mais effectivement, j'étais secoué parce que je ne pouvais pas. C'était une première fois. Je ne pouvais pas dire à ma femme. Le premier jour là, j'étais vraiment secoué. J'ai eu une fièvre interne là. J'avais dit, oui. J'ai dit à ma femme, ils peuvent être. Le premier jour, je ne dis pas, je résiste. Oui. Deuxième jour, la fièvre encore forte. Mm. Et là, le fusil là, je suis en train de lutter. Je me suis en train de combattre là. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans le monde là-bas. Oui. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Oh, tant que tu n'as pas commencé, c'est jeune, il n'y avait rien. Non, il n'y avait rien. Je ne suis demande-moi le fusil là, je ne suis jamais tombé malade ici. Oui. Jamais. C'est le prix que les grippes, tu prends, tout se passe. Je te dis que ça m'a secoué. Mm-hmm. Premier jour, c'était à l'intérieur. Oui. J'ai transpiré. Oui. J'ai transpiré. Deuxième jour, j'ai résisté. Je suis venu à l'ordinateur. Je suis reçu encore le conseil. Je suis reparti. Deuxième jour, oulala, ça a monté fort. Il y a un enfant qui dit, je suis pas, je suis en combat. Il y a quelque chose qui se passe là, mais je ne sais pas. Oui. Je ne peux pas t'expliquer. Donc, mon petit frère mettait tout le monde. Oui. Les gens appelaient ma femme, commençaient à menacer ma famille. Il y a des enfants qui sont morts. Il est grave, il est malade. Il ne peut pas l'amener à l'hôpital. Il tâche même. Et tout cela. Chez moi, il n'y avait même pas de porte. Hein. Oui. Il n'y a pas même pas que j'ai mis la porte. Hein, oui. Il n'y avait pas de. C'était ouvert. C'est-à-dire que tu peux rentrer. Il habite là. Il ne peut pas rentrer pour venir voir la situation. Oui. Mais il dit. Il appelle les mamans là-bas, le temps que tout le monde connaît, ça ne va pas ici. Oui. Alors que lui, il ne connaît pas, qu'est-ce qu'il ne va pas. Il ne connaît pas. Mm-hmm. Mais même notre petit frère là, mm-hmm. il avait compris, non, là, le grand était dans un travail spirituel. Oui. Il a compris. J'ai dit, frère, je ne suis pas sorti pendant 21 jours. Amen. Il y a eu des effets. je ne suis pas, même Esther, mais papa, tu ne sens pas, je... c'est seulement les enfants qui peuvent rentrer là-bas. Oui. Je lui ai dit, bon, je viens de regarder. Mm-hmm. Parce que j'avais même fait une planche. Oui. Et je me remets dans le coin là-bas. Oui. C'est ma planche. Je dis, mais là, j'attends seulement la mort. Oui. On va y arriver. On va y arriver. Oui. Donc, je t'ai dit que j'ai reçu de songe et tout ça. Et tu demandes dans l'enseignement, je me pose la question que vous voulez chercher la face de Dieu. Oui, il y a un prix à payer. Oui. J'ai dit, c'était une instruction mais crue et dure. Mm-hmm. Et puis ça, c'est, il y a un prix à payer. Mm-hmm. Demandez au Seigneur, Seigneur, j'ai demandé à Dieu, parler à Dieu. Mais mm-hmm. voilà ce qu'il faut faire, faut respecter. Oui. Très bien. C'est fort. Voilà. C'est très fort. Et je suis resté là vraiment tranquille. Mm-hmm. Donc la première bouée, la chaleur, les premières semaines là sont passées, les choses commençaient déjà à se stabiliser. Oui. La fièvre, elle ne se même pas pendant elle-même, elle est partie. Voilà. Elle est partie. Mm-hmm. Donc je continue mon jeûne tranquillement, mm-hmm. tranquillement. Mais je fais le jeûne, je suis mes enseignements, je suis mes enseignements. Quand tout le monde dort, là je sors, je viens, je suis mes enseignements, après je repars, je suis mes enseignements. Pendant les 21 jours. Mm-hmm. Quand je sors de là, je fais. Je crois deux jours de pause, je dis non, je ne pars encore, je ne pars, comme tu m'avais trouvé, je ne pars dans le truc de 7 jours. Oui. Hein, même rythme. Oui. Donc je dis, bon, je continue. Tu avais pris goût. Oui. Mm-hmm. Quand je sors de. Mais là, tu savais le changement, qu'il y avait changement sur ton plan spirituel. Oui. Moi-même, j'étais convaincu qu'il y avait un changement. Oui. Il y avait un changement. Parce que mon ministère, c'était le combat avec, oui. Avec les enfants. Oui. Mais ils ne comprenaient pas que je ne puisse pas sortir. C'est pas possible que je ne puisse pas sortir. Mm. Quel est le problème? Mmh. Il fait sortir. Donc quand je termine les 7 jours, je rentre encore 3 jours. Je dis, bon, là je rentre pendant 3 jours 7. Oui. Je rentre dans 3 jours 7. Et là tu sors, là tu maigris comme un sidéen. Je sors là. Et là c'est quand quand je sors là, c'est où je demande au père. Il dit, mais moi j'ai vu que tu as fait un peu le tour partout là. Partout là, mais Libreville c'est quand? Mais il me dit, mais qui m'invite? Bon, je reste là après, je dis, mais justement, je voulais qu'on en parle, pour communiquer, pour qu'on en parle. Il me dit, bon, je vais te mettre en contact avec le frère Fabien, qui est là-bas. Qui est là-bas. Mm-hmm. Après, il m'envoie le numéro de Fabien. Le frère Fabien, oui. Je rentre en contact avec le frère Fabien. Je ne l'ai pas eu, mais quand il y a eu un message, il m'a appelé. Oui. Je dis, bon, il m'a dit, tu es obligé au 22, j'ai indiqué tout. Il me dit, bon, ok, je vais arriver. Oui. Il est venu, il est venu me trouver là, on a baladé. Moi, je suis les enseignements, il n'y a pas longtemps, j'ai commencé sur les enseignements. Mmh. Mais j'ai vu que le frère, il a fait un préparatoire là. Mmh. Il faut quand même qu'il vienne à Libreville. Mmh. Comment vous faites pour le frère venir à Libreville? Mmh. Il me dit, ah, frère Fulbert, sans te cacher, je ne sais pas combien de personnes sur les enseignements. Bon, moi, je ne travaille pas. Là, je suis en train de projeter que si la vie est bien le sud là, je vais aller au Cameroun. Et l'école, je barre au Cameroun. Donc, il s'est préparé. Donc, il faut préparer que si sa maman lui donne l'argent pour l'école, il viendra à Douala au Cameroun. Au Cameroun. Et comme ça, il te laisse ici à l'école. Et puis, moi, je reste là. Je dis, bon, moi, je vais bien partir au Cameroun. Je peux aussi partir au Cameroun. Mais sauf que, est-ce que ce serait profitable seulement pour moi. Mm-hmm. Mais il faut bien que les autres soient aussi, les autres personnes aussi en profitent au maximum, parce que tout ça, la génie, très familial, ça c'est une grâce. Bonsoir. Bonsoir. Je dis, c'est pas la clinique, regarde la chambre là-bas. Et j'ai dit, mais c'est Fabien, ça c'est une grâce. Tu peux pas imaginer que nous, on a, le mec, il a zéro pas de nous. Mm. Il a fait des milliers de kilomètres partout. Mais nous, on est là à côté quand même, comment on fait? Il me dit, ah, moi, c'est très bien ma position. Moi, je te dis, bien ma position, c'est là. Si la vie me donne le truc, je barre. Si la vie me donne le truc, on peut s'organiser à partir de ça pour voir. Mais je ne sais pas quand. Il me dit, bon, tu es venu me voir là, maintenant, là, c'est le mois est passé. Oui. Maintenant, là, ce qu'on peut faire, là, c'est qu'il faut qu'on projette ça. Je peux projeter ça pour faire le mois de hein? Octobre, au début octobre. Hein? Oui. Début octobre. Attends, il manque deux semaines. Oui, voilà. Fin du mois de septembre. Hein. Voilà. Un temps à septembre, il manque deux semaines pour la fin de l'année. Bon. La fin du mois de septembre, là, même s'il y a la rentrée, s'il y a quoi, importe, je m'en fous. Donc, moi, je peux arrêter de payer le billet, et comme ça, ils vont venir. Oui. Il dit, bon, mais ça, c'est une bonne idée. Donc, on fait comme ça, il dit, bon, on fait comme ça. On fait comme ça, là. Débrouille-toi, aller prendre les anciens malades pour savoir combien ça fait, le transport et tout. Mmh. On va voir comment faire, mais le plus important c'est qu'il vient. Mmh. S'il nous dit qu'il vient, on aura gagné. Mmh. Tout le monde aura gagné. Tout le monde aura gagné. Donc vous combinez derrière moi quoi. Voilà, tout le monde aura gagné. Oui. Donc le gars, lui, famille expéditif. Oui. Il allait de facto aller faire ça. Il est parti. Oui. Il est parti pour les enseignements tout de suite. Peut-être quelques jours après, comme ils sont plus, ils entrent dans un autre jeune. Oui. Parce que eux, c'est un travail, c'est le jeune de tout le monde. Oui. Donc il a vu un jour, donc c'est un jour parce que les jours d'après, il vient. Parti. Il est parti pour les enseignements. Et puis il vient de voir lui dans ce filet, voilà. Parce que les montants, tralala, tralala, et tout. Il dit que ça passe, on peut régler. Maintenant, on va seulement de savoir exactement dans quel période il peut nous caler ça à ce moment-là. Oui. On lance l'opération. Oui. Et c'est comme ça qu'on a managé ça. Voilà, quoi. Mais sincèrement, sans cacher. Mmh. Non, c'est pas parce que tu es là. Mmh. Ça, Dieu m'entend parler. Mmh. Quand je te parle, j'ai même les frissons parce que c'est une grâce. Amen. C'est une grâce parce que les enseignements là nous édifient comme tu ne peux pas savoir. Mmh. Tu vois donc que tu as eu la bonne pensée parce que tu pouvais venir au Cameroun. Oui. Mais ce sera profitable de toi. Oui. Depuis que nous sommes ici, combien de personnes ont été bénies? Oui. Combien? Beaucoup. Combien de personnes ont été bénies? Mais le fait là, le fait de moi. Oui. Parce que quand tu parles, tu me parles un peu du voyage. Oui. Il parle du voyage. Oui. Mais je dis, bon, ok, c'est que tu fais le voyage. Oui. C'est celui qui reçoit le frère Junior qui en bénéficie. Oui. Voilà, voilà ma pensée. Oui. J'ai dit au frère, bon, quand c'est là qu'il m'a appelé. Oui. C'est ce qui va mettre un peu les pattes devant. Les pattes devant. Oui. Moi, je veux que le frère vienne habiter chez toi. Oui. Parce qu'il fallait d'abord chez la maison. Oui. Pour dire, allez, c'est chez qui? Oui. Chez qui? Oui. Bon, maintenant, on a un complexe. Bon, moi, j'ai un complexe. Oui. Dit, bon, on va inviter quelqu'un. Oui. Il faut quand même que chez une petite maison qui est un peu de haut standing. Voilà, de haut standing. Pour pas venir habiter là-bas, dans nos montagnes, là-bas, en disant, comme ça. Bon, j'ai dit, bon, que je ne suis pas compliqué. En fait, ça, c'est la pensée. Est-ce que c'est compliqué? Non, en fait, c'est ce qu'il a dit. En fait, c'était pas juste. Le fait d'être compliqué quoi, oui. Non, mais c'est aussi le fait de recevoir quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mm-hmm. Il fallait un peu de cette condition. Oui. Alors j'ai dit au frère Fulbert, bon, moi je te propose une chose, c'est que si tu reçois le frère chez toi, c'est ce que tu vas en bénéficier, c'est le gagnant. Il est là, il est témoin. Tu vois, tu es tellement béni. Oui. Il est là. Il dit non, finis le voyage, moi je vais aller prendre l'enseignement. Oui. J'ai viens d'après l'enseignement et le frère va dormir chez toi. Va ce qui s'est passé en grosso modo quoi. Oui. Il m'a dit bon ok, pas de soucis, bon on va en ville, prendre l'enseignement, après tu reviens. Mm-hmm. Je m'en vais en ville et prendre des renseignements. Parce que nous on jeûne chaque week-end. Mm-hmm. Il a dit 3 jours par semaine. Mm-hmm. Parce qu'il a dit bon comme c'est comme ça, c'est mieux qu'on jeûne. Mm-hmm. Il était là, j'ai dit bon comment je m'en vais. Il m'a dit bon ok, comme c'est comme ça, parce que je veux jeûner 3 jours. Oui. Il est là. Donc moi je suis parti. Et puis renseignement, il dit là, je suis revenu. Il me dit encore, bon, après comment pour faire venir, il dit, bon, en tout cas, il est parti à finir. On est là, bon, frère Junior. Oui. Ce sont tes filles. Oui. Mais c'était trop rapide. Oui. Parce qu'on n'a pas préparé. Oui. On n'avait pas pensé à ça. Oui. En fait, il dit ça bien. Et il a dit, un mot là, c'est une grâce. Amen. Pourquoi? Lui, il écoute les enseignements. Quand c'est le frère Junior. Lui, il écoute avant moi. Oui. En fait, on peut écouter les enseignements. Il peut écouter l'enseignement avant lui. Oui. Ou alors il peut écouter l'enseignement avant moi. Mais en fait, il y a une petite différence entre mon frère et moi. Oui. Vraiment, c'était peut-être ça, ma façon de prêcher pour de mon côté. Oui. Parce que moi, je ne supporte pas certaines choses. Oui. On peut lui écouter l'enseignement tout celui-là. Oui. Il assimile. Il assimile les concepts. Tu vois. Mais comment j'écoute un enseignement qui m'a vraiment bastonné, aussitôt j'ai bien dit, j'ai écouté l'enseignement, c'est un peu de l'écouter. Elle m'a dit, mais c'est quel enseignement? Et tu vois, mais. Peut-être même 3 jours, 4 jours avant, quand tu as écouté l'enseignement, peut-être 4 ou 5 jours après, elle vite dit, j'avais écouté l'enseignement là. Oui. Moi, ça me fait bastonner, pourquoi? Et c'est pas d'écouter tout ça. Oui. Donc tu vois, donc quand c'est comme ça, on écoute l'enseignement. Oui. Quand tu l'as pensé à moi le plus tôt possible, on donne. Quand il pense à lui le plus tôt possible, on se partage l'enseignement. Oui. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe autour là? J'ai entré en jeu. Oui. J'ai dit, bon, comme le jeu ordinaire, pour ça qu'on peut mettre un petit bricole à gauche, je suis dans la souffrance, donc pour moi j'ai envie de sortir de la souffrance. Oui. Donc c'est un petit bricole, il faut que je le passe plutôt pour avoir un peu les sous. Oui. J'entre alors dans un jeu. Oui. Il dit, bon, comme il y a 3 jours de jeu, je suis tellement de bruit. Oui. Je vais aller chez un frère, je l'ai mis au je lui dis, essaie de venir, on ne sait jamais. Oui. On m'avait chez lui. Quand il sort de sa chambre, il me trouve assis au salon, qu'elle écoutait les enseignements. Oui. Il me dit, mais. Mon frère, tu as des peu batterie aussi là, tu fais quoi? Je suis que de enseignements, il se marie. Oui. Il dit, oh mon frère, tu es devenu chrétien. Il dit, ah, c'est moque. Bon, pas qu'il se moque, après il est surpris. Oui. Que quelqu'un qui n'était pas chrétien hier, lui est chrétien. Oui. Alors j'ai pris les enseignements. Oui. Plus les enseignements. Mais entre temps, j'ai programmé l'enseignement. Oui. Le monde spirituel, d'arrêter de Satan. Oui. Là, c'est l'enseignement qui faisait 10 parties. Oui. Il avait écouté ça. Il était le monde spirituel de Satan. Satan. Mm-hmm. Ça faisait 10 parties. Il avait écouté ça. Oui. Mais le gars avait été traumatisé. Elle a dit oui. Ça t'a dérangé. En fait, en un mot, c'est quoi? Oui. Il écoute l'enseignement, mais il n'exprime pas réellement la pensée, ce qu'il a ressenti. Oui. Mais il est subjugué. Oui. En fait, c'est comme si une femme l'a séduit et du coup, il est devenu fou, quoi. Oui. Il est maître. L'enseignement l'a soumis. Voilà, il dit maître. Si tu écoutes l'enseignement, mais enfin, viens de me dire pas réellement ce qu'il a l'enseignement. Oui. Là, maintenant, tu prends l'engagement pendant le jeûne d'écouter aussi. Je suis dans le jeûne. Oui. Je m'assois du matin jusqu'au soir. Oui. Et lui, c'est parti là pour écouter un peu les enseignements. Oui. Première partie. Les bases sont posées. Deuxième partie. Témoignage. Le musulman. Oui. Celui qui parle en bordure des mers. Celui qui parle en bordure avec la femme. Mais là encore, j'ai ri encore. Oui. En fait, c'est pour ça qu'elle est avec moi. Oui. Parce que quand j'écoute un témoignage, dans les dernières années, en fait, moi, ça me fait toujours rire, quoi. Mm. Je dis, bon, ok, ils ont suivi ça. Comment ça pouvait se passer comme ça? Mm. Troisième partie. La deuxième partie, je sens que là, c'est fin. Mais écoutez, il y a une voix qui me dit, écoute, frère, j'ignore. Explique-lui toute la section de tout ce que tu as vécu dans ça. Donc, on me dit, écoute, c'est la fille qui est partie en France. Oui. Demain, il peut écouter un peu cet enseignement-là. Oui. Je dis, bon, il n'y a pas de souci. Puisque là-bas, on voit un musulman qui peut invoquer les esprits. Qui peut invoquer les esprits. On parle indirectement de l'islam là-bas. Voilà, de l'islam. Oui. Moi, je me disais que si elle écoute ça, oui. Elle va savoir dans quel mot elle s'est mise. Parce que sinon, c'était encore l'intérieur ou pas. Oui. Mais c'est quand même que si elle écoutait ça, oui. Elle a quand même imaginé pour où j'étais là-bas, oui. C'était quand même feu. Oui. J'écoute l'enseignement. J'écoute l'enseignement. J'ai écrit seulement les. Mais il y a une partie là, entre la 4e et la 5e partie qui ne passait pas. Oui. C'est-à-dire que c'est des cloches comme 55, mais après ça se coupe. Oui. Mais en réalité, ça faisait 2 heures. Oui. Ça se coupe. Je dis, bon, quelque chose, je pense à la prochaine partie. Oui. Puis il y a un témoignage maintenant. Le témoignage du monsieur qui vient. Tu sais, peut-être que tu es fidèle. Le monde, c'est la réalité du monde spirituel de Satan. C'est 10 parties. C'est 10 parties. Mais c'est vraiment intense. Donc, à l'intérieur, le monsieur a dit quand il avait 11 ans, il avait 7 ans. Cette petite tante, petite école, elle avait besoin. Oui. Ça s'est touché parce que le témoin des sexuels. Sexuel, mm-hmm. C'est touché, c'est touché. Le conseil dit, mais. Ça, c'est moi ça. Ça, c'est moi ça. Oui. C'est quand tu es petit. En fait, t'as dit, nous avons grandi dans des maisons où il n'y avait pas de tante, il n'y avait pas de cousin, oui. De cousine. Oui. Non, c'était tous frères. Oui. D'ailleurs, on ne disait pas que là, c'est mon cousin. Oui. Là, c'est ma cousine. En fait, le mot c'était, nous sommes tous les frères. Nous sommes tous sœurs. Frères. Elle n'a pas dit, ça c'est ma cousine. Mmh. Donc, j'écoute. Je me rends compte qu'à l'intérieur, quand on était petit, on faisait la même chose. Oui. Je bougeais papa et maman, pour vous embrasser entre cousins et cousines, les conseils, consorts. Je dis, mais ça c'est quelle histoire. Je me rends compte que quand j'étais même petit, puisque ma grand-mère commençait à grandir un peu, elle commençait à aimer un peu les hommes. Donc du coup, peut-être quand elle se lave, tu rentres dans la chambre, tu sais pas qu'elle est déshabillée, après tu vois comment elle est nue. Oui. Donc peut-être qu'elle va permettre quand c'est un débat, oui. On dit, entre toi elle, tu es écouté, tu n'as pas honte, tu as les fonds de thèse, machin. Oui. Mais tu es petit, mais tu ne sais pas que tu es dans le péché déjà, parce que tu as vu ta soeur nue, oui. Parce que tu as dit telle ou telle chose. Oui. Mais quand la personne explique, oui. C'est là où tu vois que c'est ta vie qui rapporte. C'est ma vie qui est à l'intérieur. Et quand tu viens à l'intérieur, tu dis, est-ce que tu vois ce que Satan fait? Oui. Quand tu es traumatisé, tu dis, j'étais où? J'étais effectivement où? Ça continue. Donc le frère dit, mais écoutez, ça l'a traumatisé, il est resté calme dans la vie. Voilà, il m'a dit, tout ça comme ça. Oui. En fait, elle dit, même, en fait, il y a ce que je m'ai un peu dit. Elle dit, en fait, c'était un peu vraiment un peu scandalisant. Oui. J'ai vraiment pas mis le dire ici. Mm-hmm. Mais après, tu continues quand même écouter en ce moment. Oui. Tu continues. Il y a eu trois témoignages. Mmh. Oui, celui qui est parti en Belgique. Oui. Il avait fait la promesse de mariage à l'autre. À l'autre. Mmh. Il dit quand je vais revenir, je vais t'épouser, attends-moi, c'est toi que j'ai mes conseils consorts. Mmh. Là encore, je suis dépassé. C'est encore ton problème. Je sens que là, c'est la mort. Pourquoi? Parce que quand la terre dit que j'étais là, c'est ma femme ou pas, c'est ma vie en termes de Dieu. Oui. Et puis que je l'ai, c'est toi ce qu'il va faire là-bas, comme tu veux. Moi, je l'ai aimé, peut-être qu'il me dit son chemin, fais comme tu veux. Mmh. Je dis bon, ok. Mmh. Très fidèle, c'est pas la blague. Oui, c'est pas vraiment la blague. C'était catastrophique. Mmh. Alors, c'est terrible. Le gars témoigne que quand il témoigne quand même le voyage pour la Belgique, il a fait la promesse à sa femme. Et quand je vais revenir, je vais épouser. Ah, moi, j'ai connu ceux qui partaient en France là. Mmh. Pour moi, c'était Pepe Stamine. Mmh. Pour moi, c'était ma femme. Mmh. Elle dit, le mot Pepe Stamine, vous ne connaissez pas ça. Mmh. J'ai dit, tu es mon Pepe Stamine. Non, non, non. C'était vraiment la fête du coup. Mmh. Quand tu manges, mais c'était vraiment la fête du coup. Mmh. Puisqu'on faisait les mêmes études, le même diplôme. Donc, du coup, on avait les mêmes projets. Mmh. Je demande les mêmes projets. Mêmes aspirations. Voilà, quand on va travailler, on va faire ça. Quand on va faire ça, quand on va faire ça, on va faire ça. Mais quand tu rentres à la maison, tu sais, parce que c'est mon cousin. Mmh. Est-ce que tes parents vont m'aimer? Parce qu'il n'était pas du genre de fille que tu ne peux pas apprécier à la première vue. Oui. Tu vois, t'as dit, c'est pas du genre de fille quand tu vas voir, tu dis, mec, après, vraiment, il faut. On va dire quoi? Il faut peut-être aller écouter 3 ou 4 fois. Oui. Il m'a dit qu'elle est belle. Mais quand tu vas voir son corps, elle est belle vraiment de visage. Oui. Vraiment, mais elle a un petit corps. Oui. Donc, tu peux l'accompagner, tu es mec. Oui. Mais quand elle est montée ensemble, il y avait des petites promesses. Un projet qui sont est-ce que tu vas m'aimer? Et je dis, je vais toujours, tu n'es pas mettre, c'est pas mettre par contre épousé. C'est moi que tu as aimé. Mm-hmm. Donc même si on m'insulte, même si on me critique, moi je t'aime, toi tu es ma femme. Oui. En fait, elle a vraiment une assurance, une confiance. Après quand elle le fait du meeting, elle s'est mise derrière moi. Oui. Parce qu'elle ne veut pas que le fait que tu es mec, tu as fini par avoir une telle fille comme ça là et qu'on sort. Oui. Et pourtant moi c'était. C'est l'amour. C'était vraiment. Tu ne voyais pas ses défauts là. En fait, c'était tu ne considérais pas ça comme un défaut. Voilà. Moi, ce n'était pas les défauts. Oui. En fait, pour moi, le cœur avait dit c'est elle. Oui. Parce que tu t'imagines que tu es dans un lycée. Oui. Tu es dans un lycée. C'est vrai que c'est là chez nous, tu es celui-là, il y a tellement de secondes. Oui. Il y a tellement de premières. Oui. Il y a tellement de terminales. Oui. Ah, c'est un site. Le site STT. Mmh. Tu vas dans un autre qu'on appelle STI. Mmh. C'est dans un même lycée. Oui. Là-bas aussi, il y a des filles. Oui. Sur ce site-là, il y a encore une question qu'on appelle là-bas. L'industrie, oui, t'as dit qu'ils font la chevelure et qu'on sort, voilà, t'as dit, et c'est une formation, c'est ici à faire. Oui. Donc, tu as tellement de filles, mais mon cœur a damé sur elle la première fois que je l'ai vue. Oui. Donc, tu t'imagines un peu, t'as dit, tu vois la fille pour la première fois. Et tu l'as aimé, et là, elle voyage pour la France, et tu en as écouté le témoignage, la personne raconte une chose qui est exactement ce que tu dis. Exactement ce que moi, j'avais fait. Oui. Et ce que tu as dit, c'est quoi? Parce que tu as des petites promesses. Oui. Quand tu vas revenir, voilà. Mais, ce qui m'a marqué dans le témoignage, c'est l'émotion en question qui fait le témoignage. Oui. Quand il dit que tu as fait la promesse à la fille, oui, et il vient t'épouser. Oui. La fille m'a fait les mêmes promesses. Oui. Et ce qui m'a fait le plus peur, oui, dans ça, c'est le fait que la nuit, la fille voyage. En fait, j'étais vraiment déboussolé. Oui. J'ai dit, bon, ma femme, en train de partir, je vais faire comment? Le voyage, je l'ai raté. Oui. Puisque j'avais un voyage en cours que je préparais, oui, je l'ai raté. Donc, j'étais vraiment traumatisé à cette époque-là. Oui. Alors, je m'apprête à retourner. Oui. Elle est devant son portail. Oui. Puis, elle me dit une chose. Est-ce que tu penses à me donner un dernier baiser? Oui. J'ai les deux vers la fille. Oui. La femme qui semble partir, c'est ça pour ma femme. Elle t'a pas mangé ce moment-là. Puis elle me dit une chose. Sache que tu es le seul. Sache que tu es le seul pour ma vie qui était ma vie. Oui. Il n'y a personne pour toi que j'ai trouvé. Donc, sache que je t'aime. Tu m'en vas en France, on va se battre. Quand je vais arriver. Donc, tu vois, déjà, il y a un lien. Oui. Il y a un serment que tu peux dire de faire là. Oui. Et de mon côté aussi, je ne peux pas dire non. Puisque c'est à quelqu'un que j'ai fait. J'ai dit, bon, ok. Après, je sache que mon fils, je t'aime. Donc. Oui. Quand il a dit ça, et ce que je commençais à subir depuis que tu es arrivé en France, oui, tu as dit, tu écris, ce sont les injures. Oui. Tu écris, c'était pour te dire, fous-moi le camp. Et tu as dit, écoutez-moi, c'est terminé. Alors qu'elle avait fait le serment. Alors qu'elle avait fait le serment. Donc tu vois, du coup, je reviens dans ça. Ce qui me fait combiner, c'est le fait que j'ai essayé de démettre tellement de filles. Oui. Mais à chaque fois, une voix qui me disait, laisse cette fille-là, ta femme arrive. Oui. C'est pas parce qu'avant j'étais pas connu en Christ, oui, c'est-à-dire comme nous sommes aujourd'hui dans les jeunes et qu'on sort, oui, mais il y a pas qui me dit laisse cette fille là ta femme arrive. Oui. Frère Junior, t'as écrit l'enseignement là. Oui. En fait, quand tu me parles, pour lui c'était devenu un jeu, tout ce qui est devant toi, c'est que c'est ceci et ce procédé, moi tout ça, pour moi c'est délivré. Mm-hmm. Moi qui ai écouté l'enseignement à distance, c'est que j'ai fait quelque chose de ce genre là, oui, j'ai fait comment la peur s'installe dans le vent. Mm-hmm. J'ai dit bon ok, il y a d'abord eu l'insecte, mm-hmm, avec les soeurs et les, oui, cousines. Et c'est encore un autre cas encore. Voilà encore le deuxième cas qui vient d'arriver. J'ai fait comment? Mais je vous pose une question. Qu'est-ce, ouais, qui vous retenez avec ces enseignements? Vous écoutez les enseignements, mais vous ne voyez pas la personne. Qu'est-ce qui vous retient dans ces enseignements? Quand vous écoutez, ça vous. Oui, Fred, vous voulez parler. Je vais terminer. nous. Oui. Donc tu vois, quand tu as la parole là, oui. En fait, là, c'est le souvenir de les témoignages. Oui. Témoignages. Le morceau commence à témoigner maintenant. Oui. Ton frère, ton beau-frère, oui. Comment t'as témoigné? Qui a été catholique ici, juste dans le voilà. Mais c'est pas ce qui m'avait intéressé le plus dans son témoignage. En fait, c'était le premier mouvement. Oui. Mais comment tu as pu subir de telles choses? Oui. De son jeune âge et conseil. Mais c'est au départ. Oui. Quand il parle du Bénin, il est au Bénin consort. Oui. Il implique maintenant le quartier. Oui. Au quartier, il y avait deux mangués. Oui. Deux mangués qui se battaient la nuit, oui. Entrés là-bas. Et du coup, il avait les pouvoirs. Oui. Il y avait une femme qui était au quartier qui embêtait. Oui. Avec le bois. Avec le bois et consort. Et tu te manières, quand il y a des quartiers, quand tu habites, ou le quartier j'habitais quand tu étais petit, il y en avait tellement de cafards dans la douche, oui. dans le WC. Oui. Donc tu te imagines quand tu vas te laver la nuit. Oui. Et quand tu vas te laver la nuit, oui. Justement, oui. Tu ne vas sortir des coups, oui. des différentes machines. Quoi. Oui. Après, il te dit, c'était. Après, il te dit, je sais pas si c'était les deux apes, les deux maris qui disaient que. Il ne fallait pas tuer les deux bois parce que ces deux bois nous amènent encore des âmes. Oui. Là, en fait, j'ai dit quoi? Là où j'ai grandi, est-ce que je n'ai plus été enterré dans ces choses-là? Mmh. Donc, c'est la peur m'a trappé. Mmh. La peur, le fait, c'est que j'ai écouté l'enseignement. Oui. Moi, je me suis dépassé. Oui. Mais là, vraiment, la manière d'écrire au frère, j'ignore. Oui. En fait, moi, c'était beaucoup plus l'impact sur le lien avec moi. Ma femme, à cette époque-là, oui. Il dit, est-ce que le monde n'a pas fait une alliance mmh. Est-ce que le monde ne sont pas collés mmh. Donc, du coup, tout ce qui venait à moi, dans le passé, mmh. Laisse la femme arrive, mmh. Laisse la fille là. Mmh. Ma sœur, c'était là. En fait, elle dit, c'était la même voix qui venait. Oui. À chaque fois, oui. Laisse la fille là, ta femme arrive. Mmh. Laisse la fille là. En fait, elle dit, j'étais traumatisé. Mmh. Quand j'étais peint par le Facebook, elle dit, non, le fait, je n'aime pas ça. Je n'aime pas que tu laisses ce que tu as dit. Parce que si tu laisses ta vie, qu'est-ce qu'il va encore découvrir en toi, je l'ai écouté, j'ai dit moi, c'est ce que la voix m'a dit que je vais faire. Mmh. Le matin, je me réveille. Parce que c'était la suite de l'intimité avec Dieu. Oui. Donc, enseignements sur l'intimité avec trois enseignements. Trois enseignements. Donc, on avait commencé à se lever à 5h du matin. Mmh. On commençait à chanter le rang à 5h du matin. On commençait à prier à 5h du matin. Oui. On commençait à prier à 5h du matin pour lui, moi, pour voir ce qu'on pouvait méditer. Oui. Donc, c'était pour Dieu. Oui. C'était pas vraiment dur. Quand le matin c'est arrive, le départ, c'est là, parti, là, c'est là le sommeil est très bon. Intense. Mm-hmm. Et c'est le fait comme deux ou trois fois. Chaque fois que je me lève, je me couche encore, le Seigneur va comprendre. Je dis, Seigneur, te rends grâce. Et je dors. Le Seigneur te rend grâce, je dors. Peut-être trois ou quatre fois. Mais j'étais chez lui. Mm-hmm. C'est pas si c'était en route pour chez lui. Mm-hmm. Ou de retour, c'est pour où j'étais. Mm-hmm. La voix m'a dit, tu n'as même pas honte. Mm-hmm. Tu étais fort pour te lever à 5h du matin pour se lever les casiers de bière sur Braga, au brasserie. Pour aller faire quoi? Pour se lever les casiers de bière au brasserie. Pour avoir les jobs. Pour avoir les jobs. Mm-hmm. Mais tu pouvais te lever à 5h du matin pour méditer la parole. C'est ce que la voix m'a dit. Mm-hmm. Tu es incapable. Mm-hmm. Tu étais fort mm-hmm. pour aller se lever les casiers au brasserie. En fait, c'était comme ça. Mm-hmm. Tu as eu honte. J'ai eu honte. C'était vraiment ça. Mm-hmm. Le lendemain, même si c'est le sommeil, mm-hmm. je me lève comme un militaire. Je sors de la maison. Mmh. Je m'en vais de la maison au palmier. Mmh. Je m'a chanté là-bas un peu de louange pour que je ne m'aille pas. Oui. Puis j'ai touché, je mets au sol. J'ai pris, j'ai dit Seigneur. Après, je retourne dans la chambre, je continue à dormir. Oui. Donc j'avais deux réveils. Un réveil de 5h et un réveil de 6h. Oui. Mes frères, le matin, je me réveille, je chante de louange. Oui. Et quand le téléphone, j'appuie le Dieu. Oui. Il dit la voix m'a dit écris. Oui. Est-ce qu'on voit le Dieu comme ça? Il dit en tout cas, frère, j'ai porté l'enseignement. La voix m'a dit. Écris. Mm-hmm. Tu t'appelles le Dieu. Mm-hmm. Avant m'a dit écris au frère Junior. Voilà, j'ai un peu en quelques lignes. Mm-hmm. J'ai envoyé le message. Mm-hmm. Mais c'était la peur là. Mm-hmm. Donc quand le frère est venu là, mm-hmm. il m'a dit on fait comment qui vient. On fait comment qu'il vienne. Mm-hmm. Quand il m'a seulement dit, parce qu'à cette époque là, mm-hmm. les prix étaient déjà respectés. Mm-hmm. Je me lève à 5h, j'ai pris. Mm-hmm. 14h. C'est-à-dire quand c'est 12h, j'ai pris. Oui. Quand c'est 18h, j'ai pris. 22h, j'ai pris. Oui. J'ai déjà aligné des paramètres de prière. C'est-à-dire que je veux prier jusqu'à ce que Junior vienne. Oui. Ça n'a même pas fait un mois, deux semaines. Oui. Tu me dis, mon tel frère, Fulbert. Oui. Quand tu m'appelles, tu me dis, ah mon putain, fais comment? Quand tu m'as demandé, il ne faut pas t'inquiéter. Moi, je prends tout en main. Seulement les formalités, c'est m'a dit, oh, c'est la grâce, Seigneur, merci. C'est là, vous voyez, on peut que les prières ont un sens. Amen. Et quand elle dit prier, quoi, prier, c'est prier. Il n'y a pas de prier pour lui. J'ai prié 2 minutes, mais j'ai prié 50 minutes. Parce qu'en fait, à l'intérieur, comme tu disais, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous qu'il faut les remettre à Dieu. Mais on ne vient pas faire le bavardage, quoi. Tu sais pas quoi. Donc, le frère, hein, donc, c'était menté. Donc, quand le frère est venu là, que c'est une glace. Parce que c'est venu là pour l'évangile comme ça. Un mois après qu'il ait connu l'évangile, il t'a appelé. Il dit, mais on fait comment? Un mois après que moi j'étais écrit pour dire mes frères, moi j'écoutais en ce moment-là, moi je me suis dépassé en fait comment. Mais tu es la bienvenue au Gabon. Ah. Bonsoir Libreville. Bonsoir Libreville. Bonsoir. Que Dieu te bénisse. Ouais, vraiment, merci. Je suis là. On passe les bons moments et on va passer les bons moments, n'est-ce pas? Ouais. C'est les cœurs et les cris qui me font me déplacer. Les cœurs et les cris qui me font me déplacer. Quand il y a les cris intenses quelque part et que Dieu veut m'envoyer là-bas, il va m'envoyer. C'est les cœurs et les cris. On ne va pas parler une balade de plaisir. Depuis que je suis venu ici, je vous ai dit qu'il m'avait me communé. Je suis avec vous ici, non? On chasse le moustique ensemble. Je vous ai demandé de me prendre l'hôtel. Nous allons vivre ça ensemble. C'est comme ça. Nous partageons la parole. Si j'étais à l'hôtel maintenant, vous devez avoir de mal à venir là-bas. Comment faire? Non. On est ensemble, on est des frères, d'accord? Frère Dimitri, donc quand tu écoutes, ça te travaille, tu restes tranquille dans ton coin. Tu dis que le frère Junior dira. Oui, en fait, c'était un peu ça. Oui. C'était un peu ça. Moi, à chaque fois. Où t'assois là c'est comment? Dans la chaîne, ma soeur. Ok, oui. Oui, je peux dire, moi, dès que je suis tombé sur les messages, oui. En fait, c'était à cause de mon petit frère. Oui. Oui, comme il y a un des disciples de Kavou Philippe qui est son ami. Oui. Et avec lequel tu es tout le temps les débats à la maison. Donc c'est un peu à cause de lui que je suis tombé sur les messages. Parce que donc c'est Capo Philippe qui t'a conduit à Christ. Plus ou moins. Si on peut dire ça comme ça. Plus ou moins. Si on peut dire ça comme ça. Oui. Parce que bon, à chaque fois quand il venait, parler avec mon petit frère. Donc du coup, je savais que ce qu'il venait raconter, c'était vraiment n'importe quoi. Donc en clair, tu es dans la maison avec ton petit frère. Voilà. Il a son ami qui est un disciple de Capo Philippe. Voilà. Chaque fois, il vient déranger ton petit frère. Voilà. Et entre temps, toi, tu ne connais rien de la Bible. Non, entre temps, moi j'ai connu à l'époque parce que j'ai grandi plus ou moins dans une famille dite chrétienne. Oui. Voilà, justement. Et ce qu'il disait ne tenait pas debout. Voilà. Ce qu'il cherchait à le contredire aussi. Justement. Ok. Donc, il a fréquenté les dénominations. Voilà, j'ai fréquenté une dénomination quand j'étais tout petit. J'ai fait l'école du dimanche dans la dénomination en question. Mmh. En tout cas, j'ai fait mes classes un peu. Mais je ne me suis pas intégré au niveau de la fin. Oui. Donc c'est comme ça, lorsqu'il venait tout à la maison, parler avec mon petit frère, bon après leur débat, bon moi je ne me rentrais pas dans leur débat, c'est à la fin, comme peut-être ça le secouait, il venait vers moi, parce que comme dans la dénomination on était ensemble, dans la dénomination là où papa a pris, on était ensemble, donc du coup, il venait vers moi après pour me dire un peu les arguments. Voilà, les arguments avec lesquels... Et comme ça, il traite le gars de donc du coup, il me disait ça, bon moi je n'avais pas... D'arguments vraiment à lui donner, puisque ça faisait un bon moment que je ne vois plus la parole. Oui. Donc du coup, c'est comme ça, on s'est mis à chercher des stratégies. Des personnes qui pouvaient donner des arguments pour pouvoir contredire. Voilà, justement. Et donc dans nos recherches, je suis tombé sur Jésus-Christ TV d'abord, mais bon, il n'était pas passé trop dans Kakou Philippe, il était plus dans d'autres prédicateurs. Oui. Donc je suis tombé sur d'autres prédicateurs qui parlaient un peu du cri de minuit. Oui. Voilà, maintenant c'est dans nos recherches en question. Là, mon petit frère est tombé sur l'audio hérésie et abomination de Kakou Philippe. Voilà. Attends, vous cherchez ça comme ça sur Internet aussi? Sur Internet, donc sur YouTube. Chaque nuit, voilà, donc c'est plus ou moins ça. Donc le Kakou Philippe nous a donné les sueurs froides. Vraiment. Donc c'est comme ça. Donc il m'a montré un jour l'audio hérésie et abomination des Kakou Philippe. Donc c'est comme ça. Mais il écoute un peu l'audio là. On regarde la famille, il descend dedans là-bas, hein, vraiment c'est fort. Donc je prends l'audio, je mets. Mais bon moi, dès que j'ai écouté ça, ça ne m'a plus vraiment donner l'envie en tant que tel de chercher des arguments pour porter un peu. Je me suis un peu vu comme pris au piège. Oui, donc tu partais écouter pour savoir quel argument contre Kakou Philippe. C'est ce qui m'a... Tu te rends compte que pendant que tu viens d'écouter, ce que tu n'as plus les arguments que tu cherches. Voilà, parce que ce que je viens d'écouter, je ne peux plus rester pareil. Oui. Une chose de sûre, c'est que je suis condamné parce que ce que je viens d'écouter là, ne peut plus me permettre de continuer à vivre la vie que je mène. Entre temps, tu avais ta propre vie tranquillement. Tranquillement. Mais en écoutant là-bas, ça t'a attrapé. Voilà. Oui. Justement, même avec la fille avec laquelle j'ai fait un enfant, comme, voilà, elle me permettait même d'écouter. Bon, on se mettait à rire quand on écoutait les vidéos de Jesus Christ TV, la façon de l'attraper les prédicateurs là. Oui. Donc au début, ça, c'était assez marrant. Oui, donc vous faisiez ça dans le péché et vous riez. Voilà, on riait. Et puis l'enseignement, vous attendez quelque part. Au début, c'était assez marrant. Oui. C'est comme ça, bon, puis j'ai vu les vidéos de Jesus Christ TV, c'était tellement nombreux. Oui. Il y a comme une parole un jour qui m'est venue alors qu'on était allongé. Lorsque vous verrez ces choses, que celui qui lit face à attention. Ça t'est venu à l'esprit comme ça. Ça t'est venu à l'esprit comme ça. Et du coup, ma façon de voir maintenant les vidéos, ce n'était plus dans un sens hilarant. C'était maintenant plus dans un sens grave maintenant. Oui. Dit la sonnette dans la peau, dit les temps sont graves. Les temps sont graves. Mais comment donc faire alors pour tout en sortir. S'en sortir. Là, elle a pris. Puisque à chaque fois que je prends les vidéos de Jésus, c'est comme le frère Philippe a levé. Les enseignements, ce n'était pas vraiment. C'est pas vraiment ça. La dénonciation, plus la dénonciation. Voilà. Oui. Donc ça n'aide pas à grandir. Voilà. Donc du coup, à partir de ce moment-là, quand j'ai écouté ces enseignements-là, ces vidéos-là, et cette voix m'est venue à l'esprit, j'étais un peu bousculé maintenant, mais comment je vais faire? Donc je pensais, j'ai songé plus ou moins à retourner dans la dénonciation dans laquelle j'étais. Mm-hmm. J'ai songé à retourner là-bas, mais je me suis dit non, mais quand même, je sais que c'est faux. De toute façon, si je retourne là-bas, je ne vois pas le changement. Je vois pas le changement. Et du coup, j'étais un peu pris dans ce filet-là. Oui. En même temps, cette réflexion-là, la fille qui est de côté de toi, est-ce qu'elle savait ce que tu vivais? En fait, ce que je vivais, elle voyait. Mais le problème, c'est que comme elle a commencé et c'était amusant, elle voyait que bon, on se moque juste de ces choses-là. Mais ça s'est passé à l'intérieur. Oui. Bon, maintenant, c'est quoi la vie au fil des jours? Parce que pendant ce temps-là, je faisais plus de téléchargements sur les vidéos de football, les choses comme ça. Là. Mm-hmm. Donc, elle a remarqué que je n'étais plus dans les choses de football. Mais à chaque fois, j'ai téléchargé les choses maintenant qui concernaient que les choses de Dieu. Mm-hmm. Donc, du coup, elle a trouvé ça un peu moins marrant. Mm-hmm. Parce que plus j'ai téléchargé les choses qui concernaient Dieu, et elle savait que par principe, c'est que ceux qui s'approchent de Dieu automatiquement doivent fuir l'impudicité. Oui. Donc, elle voit d'ailleurs que son regard partait. Donc, même l'idée de mettre encore les sous pour pouvoir faire les. Mm-hmm. Et voilà. Elle n'était plus trop partante pour ça. Donc, elle voulait peut-être mettre le crédit internet voilà. pour pouvoir avoir ses téléchargements. Mm-hmm. Mais si c'était pour le football, elle était maîtresse. Elle mettait tranquillement. Donc, c'est comme ça que depuis l'arrivée, on a continué plus ou moins comme ça là. Oui. Mais, vu l'ampleur des vidéos que j'avais sur Jésus-Christ, je me suis dit, mais le gars est fort dans le monde comme ça. Quand je dis encore, c'est pas la peine. Mm-hmm. Partout, c'est la même chose quasiment. Mm-hmm. C'est comme ça. Et puis, dans le but, je suis tombé là sur la vidéo dont j'ai dit avec mon petit frère là, sur l'hérésie et l'abandonation des tranquilles. Donc, quand je tombe sur la vidéo, mais il enseigne véritablement comme ce que je pense qu'on doit toujours enseigner. Mais comment tu sais ça? Comment tu sais que ce qu'on doit enseigner? Justement, en fait, la partie là, je n'ai pas pu comprendre. Mais parce que. Lorsque j'étais dans la dénomination, on me prêtait toujours à dire non, il a le don d'enseigner, il a le don d'enseigner. Oui. Voilà. Donc, du coup, moi je ne me connaissais pas avoir le don d'enseigner. Mmh. Mais quand même, j'avais une idée de ce qu'est l'enseignant. Un enseignant. Mmh. Du coup, donc, lorsque je tombe sur ça, après ça me donne directement, mais il enseigne typiquement comme ce que je pense, j'ai toujours pensé qu'on doit enseigner. Ou du moins, si j'avais été enseignant, c'est comme ça que moi, j'allais enseigner. Mmh. Parce qu'en ce qui concerne les choses séculières, c'est comme si plus ou moins je prends du temps. Mmh. Voilà. Donc du coup, je tombe sur cette vidéo-là. Oui. Donc, en tombant sur cette vidéo-là, le Dieu en question, mon petit frère lui m'a donné ça comme ça. Mm-hmm. Ça l'a juste plus pour prendre quelques arguments. Oui, donc lui, il n'est pas déchiré son argument, il a donné aussi ses arguments. Il a pris ses arguments. Voilà. Donc quand j'ai proposé, non, avec ça là, tu le mets KO une bonne fois. Oui. Et avant, on le continue avec toi. Qu'est-ce qu'il en a fait avec les arguments dont il a glané là-bas? Il a appris ça, mais sur place, il se retrouvait toujours en face de... Il n'arrivait pas à s'en sortir. Oui, parce qu'il ne peut pas déployer l'argument. Voilà, il ne pouvait pas déployer. Le seul moyen, c'était qu'il fasse s'asseoir, il dise qu'à vous de finir. Écoute là-bas. Et là-bas, c'était pas possible parce que, bon, ils ont une doctrine sur laquelle on fait un transfert d'esprit ou quoi. Donc, c'est pas facile de le faire à soi pour le faire écouter quoi que ce soit. Mmh. Voilà. Donc, il faut plus venir toi-même avec armée et outillée pour pouvoir, genre, continuer sur place. Oui. Donc, pour ça, là, bon, moi, en écoutant chaque chose que je pouvais écouter, moi, par contre, je prenais sur moi. Ce qui te concernait. Voilà, moi je prenais, par contre, je m'outillais pour pouvoir les contredire. Mmh. Bon, sauf que là-bas, quand j'ai atterri sur les audios de Bambaïba, donc, au lieu de prendre les arguments uniquement pour pouvoir contredire, je me suis dit, mais avec ça là, je ne peux plus continuer la vie que je mène. Mmh. Mmh. Et du coup, ça a commencé à modifier mon comportement avec la fille avec laquelle j'étais à la maison. Bon, quels sont les enseignements, l'enseignement patronal que tu as écouté et qui t'a fait peur par rapport au style de vie que tu vivais? Puisque c'était l'argument des cafés libres que tu partais chercher. Voilà, bon, au début, avant l'argument, oui, c'est l'enseignant même. Oui. Parce que pour moi, bon, en fait, de tout ce que j'avais écouté, tous sont quasiment faux. Oui. Voilà, donc si tous sont faux, bon, moi je vois pas ce que vous. Et puis quand j'avais arrêté des missions, je m'étais dit, en cas si Dieu lui-même, il va venir me chercher, je ne peux plus aller quelque part. Donc, oui, sur cette base-là, le simple fait d'être tombé sur quelqu'un que j'estime qui dit ce qui est vrai, oui, après ça me condamnait déjà. Là, ça me pose un problème jusque-là. Il n'y a pas d'image. Tu n'es pas allé de voir la personne qui est allée d'enseigner. Comment tu sais que ce qu'il fait est vrai? En fait, le problème c'est parce que en écoutant les enseignements, oui, en fait, c'est quasiment la seule prédication que j'écoutais dans laquelle je n'écoutais pas, je pense que. Oui. C'était automatiquement ouvre la Bible. Si voilà, quelqu'un veut contredire, c'est ouvre la Bible. Donc du coup, s'il doit trouver une réponse, il n'a pas à penser. Oui. Les autres prédicateurs peuvent dire la vérité, mais au bout d'un moment, dans certaines questions, ils arrivent à dire maintenant, je pense que. Mais là, je sens que je n'ai jamais écouté quelqu'un qui parle, qui reprend, mais qui n'a dit jamais, je pense que. Mmh. Et du coup, donc ça là, ça m'a choqué déjà, vraiment, tu cherchais l'enseignant pour pouvoir genre marcher dans l'air. Tu as l'enseignant maintenant. Mmh. Quel argument tu vas encore donner? Bon, du coup, ça m'a fait un peu comme mélange de crainte, de peur et de beaucoup de choses. Mmh. Parce qu'avec les idées qu'on a dans les dénominations, souvent, bon, tu commences, ce n'est pas par la force, tu vas tomber. Oui. Voilà, de ces choses-là, et ça te mince, mais là, c'est mal, de chance. Si je rate là, moi, c'est fini. C'est fini. Voilà, donc c'était mêlé de crainte. Tu as peur de commencer. Voilà, une peur de commencer. Mmh. Bon, maintenant, même, en fait, malgré la peur de commencer, je ne peux même pas dire que je vais passer une fois pris. Je ne sais pas si on peut s'arrêter une fois. Oui. Parce que ça m'a fait comme le frère Fulbert. Oui. C'était automatique. C'était déjà chaque soir. Oui. C'était comme une drogue, quoi. Voilà. Mmh. Chaque soir. Donc c'est que même le soir, quand tu m'étais touché, non. Je n'avais plus aucune envie de sexe de ce genre de choses. Oui. Voilà. Donc au fur et à mesure que j'ai commencé à écouter. Et du coup, je suis tombé un jour sur Satan me donnait des prophéties pour l'église. Oui. Voilà, donc quand j'ai écouté le témoignage du frère en question, ça m'a direct. Ça m'a mis KO. Oui. Et je me suis dit, ça, moi je suis fini. Oui. Tant qu'il m'en puisse, le frère là-bas, il est loin. Oui. Et puis, à cet âge, je sens que bon, mais je suis seul ici. Oui. Et puis, un tel message, comme je ne vois pas où ça va pouvoir m'emmener. Oui. Bon, à cette époque-là, j'écoute le frère Fabien aussi. Bon, il était plus dans une phase difficile comme il a relevé là. Mais il était vraiment, alors là, vraiment la dernière personne que je pouvais penser que le Seigneur pouvait envoyer, qui pouvait m'aider à soutenir ce style de message. Oui. Donc, c'est comme ça, mais j'écoutais, je passais le temps à écouter. Il avait appris une prière. Oui. Il avait dit à Dieu, je suis seul. Oui. Avant que tu viennes m'aider. Pourquoi on chemine dans ça? Voilà, mais il a pas compris ton message. Oui. Il est encore dans ce monde. Oui. Mais il veut chercher Dieu maintenant à nouveau. Oui. Il s'est mené la Bible. Oui. Mais entre là-bas, seul, la Bible fait une petite prière. Oui. Je suis venu à quelqu'un qui peut m'aider dans ce monde. Voilà. Je ne suis pas au courant. Mmh. Il fait ça là-bas, seul. Mmh. Donc c'est plus ou moins comme ça là. Mmh. Donc quand je tombe sur ça, donc l'ampleur du message, la qualité du message immense, mais je ne peux pas avoir, non, c'est trop lourd. Oui. Je ne peux pas, non, mais du coup je ne peux plus faire marche arrière parce que j'ai déjà parce écouté. Parce que la vérité est déjà là. C'est déjà là. Et tu connais que c'est la vérité. Je connais que c'est la vérité. Mmh. Et je connais par principe que ceux à qui on a beaucoup donné, on a beaucoup. Mmh. Donc du coup, mais celui-là quand même, mais avec le poids alors là du témoignage en question, je le fais à la fin, il a au moins été délivré. Oui. Mais moi, je suis conscient que je suis possédé, oui, et ça va faire. Je vais faire comment ici? Oui. Bon, depuis la nuit, j'ai commencé encore à écouter d'autres messages. Oui. Maintenant, ça a changé maintenant de dimension. Oui. Ça faisait maintenant que lorsque j'écoute des messages, j'avais comme des tremblements. Oui. Voilà, le corps secouait, et comme j'étais parfois sur la chambre avec, avec l'enfant, donc quand j'écoutais le message, j'étais matin, je me mettais à trembler ou je me mettais à vibrer. Donc j'arrêtais automatiquement. Là, donc, là, je ne peux pas aller marcher. Oui. J'avais une douleur de peur. J'écoute l'enseignement, ça te fait trembler dans l'enseignement. Qu'est-ce qui s'est fait trembler dans l'enseignement? Je ne savais pas. Est-ce que dans l'enseignement, on dit, oh frère, dis-moi, toi, dis, ah, le brevet, la tremble. Non, il n'y avait rien de ce genre. Oui. En fait, c'était même pas même des enseignements qui tendaient des prières de délivrance. Oui. C'était juste vous. La vérité. La vérité comme ça. La vérité. Et du coup, ça me secouait. Mmh. Donc, j'ai pris l'enseignement, je m'étais à côté. Moi, j'avais peur, je me disais que bon, si l'esprit la histoire, il va aller chez moi. C'est tout de l'enfant. Donc, tu as dit qu'on garde l'enfant. Il finit avec moi. En fait, moi, c'est comme ça que j'ai pensé. Oui, que l'esprit n'entre pas dans ton enfant. Ouais. Il a commencé, moi, il finit avec moi. Mm. Bon, c'est comme ça, j'étais dans l'église, en écoutant, mais je me trouvais confronté à chaque fois à cette barrière-là. Du coup, après, je m'ai à trembler. Oui. Et c'est comme ça que j'ai demandé dans mes prières, Seigneur, vraiment. Parce que je ne voyais plus les choses pareilles. J'ai regardé mon frère, mon enfant se bat, tout à coup, il dit pas là. Revu là, mais il y a des choses plus graves. Voilà, nous-mêmes, on se bat là, nous-mêmes, d'abord, des problèmes. Oui. J'ai regardé encore la famille, j'ai regardé. Il faut laisser 4 jours pour résoudre vos propres problèmes. Pour résoudre vos propres problèmes. Mmh. Voilà. Bon, c'est vrai, je vois mon petit frère, j'ai dit non, vraiment, là-bas, mon petit. Je lui ai donné une grâce que je ne sais pas. Oh non, mais mon petit n'a pas voulu rentrer dans le jeu là. Lui, s'est mis à côté. J'ai compris plus ou moins à écouter. Mmh. Alors que c'est lui qui avait donné le Dieu. C'est lui qui m'a donné le Dieu. Mmh. Et c'est même lui qui m'a dit que c'était intéressant. Il a dit que c'était intéressant. Tu reviens nous dire qu'effectivement c'est intéressant. Il dit que non, continue. Voilà. Que ça soit intéressant pour toi. Donc c'est comme ça, dans mes prières, que Seigneur, moi, si tu m'envoyais un frère avec lequel on peut te tenir, mais vraiment, il m'a pensé, alors là, il est loin. Alors la pensée, Fabien, c'est quasiment mon frère là-bas. Oui. Mais parler de la parole avec lui, c'était pour moi. C'est vrai que c'était impossible. C'était pas impossible. Parce que Fabien m'a connu. J'étais dans les dénominations, vous pouvez le témoigner. Mais j'étais alors là, vraiment, pour la pudeur, j'étais vraiment 100% pudeur. Mmh. Moi, Elisabeth avaient tendance à me piéger souvent avec un autre ami qui était là souvent. Viens voir comme s'il y a quelque chose d'important. Quand tu viens voir, c'est parfois une femme, c'est ici, un autre là-bas. Allez, moi j'ai prié. Après, c'est moque de toi, bien rire, voilà, regarde le rigolo là. Justement. Et quand on est au ciel ici. Voilà. Et après ça, et puis souvent, quand je suis dans les émotions, et après, je suis quasiment rentré dans ce monde-là. Dans le monde aussi. Voilà, et on est okay, voilà les questions. On a dit qu'il fallait nous retrouver ici, quoi. Justement. Voilà, et lorsque je suis rentré dans ce monde, je m'étais complètement retiré. J'avais dit, si Dieu vraiment il m'aime, il va venir me chercher là-bas. Voilà, et c'est pas maintenant, c'est dans ce temps-là, maintenant, j'ai prié, Seigneur. Moi, il faut m'envoyer quelqu'un. Mais c'est pas quelqu'un avec qui je ne peux pas penser, même qu'on parle, je ne la pas. Même pour lui parler la parole. Oui. Voilà. Donc, si on devait me conseiller, peut-être que c'est des conseils plus ou moins humains, des conseils, des trucs logiques. Oui. Peut-être que tu as fait ceci, bon, pense comme ça, fais comme ça. Mais pas la parole. Pas la parole. Mmh. Bon, c'est un jour, il arrive à la maison. Voilà. Je n'ai pas mis une vidéo particulièrement pour lui. Mmh. Bon, lui-même, même une fois, il me voit, ah, tiens, un truc de Dieu. Ah, c'est bien, mon petit, c'est bien. Comme la nature de son m'a dit, ah oui, mon ami, moi. Dans ce cas-là, est-ce que tu connais des Abamba Iba aussi? Non, il ne le connaît pas encore, okay. Mais c'est là où il va venir même devant. Découvrir. Ouais. Parce que là, il dit, c'est moi, tiens, retourne à la nature de Dieu. Mm. Ah, c'est bien, on peut dire, tu as compris que. C'est Dieu là qui voilà, et c'est finalement quelques jours plus tard où il tombe sur la vidéo qu'on avait parlé, où tu as fait le montage en question. Le montage, répentez-vous. Voilà, répentez-vous là. Donc, quand il tombe sur la vidéo en question. Oui. 16 minutes. Donc, quand il tombe sur la vidéo en question, il prend, boum, il part chez lui. Oui. Il a écouté cette vidéo. Oui. En moi. Lorsque j'ai écouté les messages, quand je suis arrivé sur la vidéo, moi ça m'a fait l'effet, Joe, laisse la parole. Oui. Moi c'est plutôt l'effet que ça m'a fait une cible. Mais toi tu as encore des sujets Dieu là, oui. Mais la Bible devait dire avant que non, c'est, voilà quoi, ce n'est pas à nous. Oui. Donc moi c'est plus moi dans ce temps que j'ai commencé maintenant à voir la chose. Mais en même temps, tu vois ça comme ça que laisse, oui. Mais un autre, mais je connais déjà, je peux faire comment, tu as fait les deux ça. Donc du coup avec les. Okay. Enfin, parce que le parcours des nationales qu'on a, que moi j'ai eu, oui. Donc la façon de comprendre, moi je suis devenu plus lent à comprendre oui. que quelqu'un comme lui. Oui. Et en plus, d'abord dans la vie, quelqu'un de pragmatique. Oui. Alors moi je suis plus théorique et voilà, toutes ces choses-là. Mm. Donc du coup, c'est comme ça. Donc moi, quand je tombe sur la vidéo, je viens d'écouter d'abord une fois, mais quand lui vient d'écouter, ça suscite beaucoup de questions. Et là, il vient maintenant m'assailler avec les questions. Je comprends que le fond en réalité, il a vraiment saisi et la chose du travail. Oui. Bien, maintenant, il semble comme demander, mais moi, je suis plus ou moins perdu. Oui. Mais dans la fin, c'est comme. Tu es la mauvaise pour ça, à qui il doit demander. Il doit demander. Tu dois me toucher la solution. la solution. Oui. Bien. Du coup, mais moi, dans ma tête, je suis content de dire, ah bon, c'est avec quelqu'un qui lui l'est. Formatique, dans la façon de comprendre, on ne sera pas pareil. Parce que c'est comme il dit là. Oui. Il y avait toujours un décalage entre les mots. Lui était plus direct, tu comprends ça, les faits sur place. Mais moi, tu tournes à gauche, tu tournes à droite, est-ce que. Tu réfléchis, oui. Voilà. Donc moi, je suis plus ou moins comme ça là. Mm. Donc c'est vrai qu'il tombe sur la vidéo, dans son pragmatisme, il part, il médite sur la vidéo. Pour lui, il vient, il trouve une nouvelle chose. Il dit non, mais on l'a dit à tous ceux qui l'ont reçu, à cette manière. Donc à chaque fois, quand il pose la question, voilà. Ça ne peut que sur le tas, il me crée encore plus de problèmes. Voilà. À un même niveau, tellement il m'a fait qu'il me rabâchait sur cette vidéo. J'avais voulu dire, bon, sinon, parce qu'il m'avait posé une question. À cette époque-là, je voyais les jeux de PMU là. Jeux de hasard. Voilà, de football. Mm-hmm. Voilà, les paris sportifs. Oui. Voilà, c'est pourquoi on jouait ces jeux-là. Mais moi, quand j'étais en train de donner du message, j'avais été comme retiré de cela. Mm-hmm. Avec ça, et puis ma petite ne voulait plus toucher. Mm-hmm. Voilà, donc je me retiens. Pour moi, je me dans ça là. Ce sont les choses les plus évidentes. Je ne dois plus donc m'en approcher. Mais il m'avait posé une question. Oui. Il m'avait dit, parce qu'en écoutant, moi, comment ça me laisse dit non, en cas qu'on dit, m'appeler. Moi, oui. Il m'a posé la question. Bon, maintenant, là, si je te donne le gain là maintenant, oui. Que non, va jouer encore à ton PMU là. À ton PMU. Est-ce aller. Que tu vas aller oui. Dans mon cœur, c'est carrément non. Oui. Mais si. Non, alors, qu'est-ce que j'ai écouté. Dans son cœur, c'est oui. Non, dans mon cœur, c'est non. Mais pourquoi oui. Après, tu dis oui. Mais déjà, je pars. Oui. Voilà. Sinon, je pars. Mais là, c'est pas ça. Mais c'est voilà. Pas ça, justement. Donc, du coup, il m'a posé la question. Je ne sais pas comment ça m'a fait, mais dans mon cœur, c'est. Même si tu me trouves devant comme ça là, donner oui. Encore le gain, en fait tu n'aurais que ta voix oui. À l'esprit oui. Et la parole que me condamnait à ceux à qui on a beaucoup donné, on va beaucoup redemander. Oui. Mais je suis pris dans ce piège là. Mais en fait encore à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont pris en son nom, il y a beaucoup de choses qui ça te choque. Voilà, ça te choque pour moi. Non mais c'est toi aussi, c'est la parole. Donc du coup, on tournait là. Oui. Donc à ce stade, arrivé à ce niveau là, j'étais quasiment prêt à laisser comme ça là. Quand il me remonte le message et il l'a dit d'une façon, je ne sais pas. Après, ça veut dire, non, je vais partir jouer. Oui. Parce que le temps, j'ai dit, oui. je vais repartir jouer. Oui. Après, je mais là, il relit la chose. Oui. Quand il relit, l'homme me dit, mais tu es concerné. Tu es concerné par ce verset. Oui. Oh non, mais comment je suis concerné par le verset. Il y a tous ceux qui l'ont reçu, ont tourné sur ça. Et ça nous a fait l'objet de beaucoup de réflexions. On a tourné. Chemin faisant, on est quitté plus ou moins de ce message-là. Thierry a commencé à prendre le message et écouter aussi. Moi j'écoutais, bon, on se voit maintenant un peu pour ne pas faire le point. Après, non, j'écoute de ton côté, j'écoute de mon côté, on va avancer comme ça. Donc, c'était plus ou moins comme ça là. Donc, mais petit, Dieu travaille à l'intérieur de vous. Voilà, à l'intérieur de nous. Mmh. Donc, du coup, mais dans ma façon d'être, elle est plus ou moins, je suis plus ou moins comme renfermé. Mmh. Voilà, je suis plus ou moins vraiment renfermé dans ma personne, dans tout. Mmh. Parce que c'était plus ou moins comme j'étais. Mais lui, par contre, s'il avait fait quelque chose, automatiquement, d'abord, avant même d'abord même cela, il était déjà comme ça. Oui. Voilà. S'il a un projet, automatiquement, il vient me. Ça passe. Voilà, il vient me voir. S'il y a un besoin, automatiquement, il doit me dire. Mmh. Il y a des choses, mais je me demande comment lui, il arrive à faire ça. C'est mon ami, c'est mon frère, mais il y a des choses que je n'arrive pas. Allez, lui exprimer, mais comment lui il arrive à exprimer surtout donc pire encore sur les études d'appareil, il était comme assailli avec les questions. Oui. Mais moi j'avais seulement une chose, parce que moi la chose qui m'a pensé uniquement sur le témoin que j'avais écouté, et pour moi je voyais que moi je suis KO. Donc là quand il parlait, moi je me demandais si petit possédé, on n'est pas pareil. Donc moi ma pensée c'était, moi cette personne n'est pas pareil, bon il essaie de me montrer que non, moi c'est pas comme ça, tu sais, en jeûnant, moi je suis posé, on n'est pas pareil. Moi il faut qu'on m'enlève, voilà, toi tu n'as pas de preuve que tu es certainement possédé, tu as péché, parce que c'est repentant, c'est bon, moi le demi s'il me répond, le papa dit qu'il part comme ça, on se bon, on se quitte ton ami, c'est bon, non, moi c'était, je suis calé là. Il dit non, c'est pas comme ça, mon ami, c'est pas comme ça que tu vas genre rester comme ça. Donc c'est comme ça on s'est lancé plus ou moins dans la recherche. Avant de commencer dans la recherche, c'est encore même lui. Oui. Qui prend encore l'initiative. Je n'ai pas quelque chose. Oui. Quand tu poses la question de savoir qu'est-ce qui dans la parole là vous active vraiment. En écoutant l'enseignement, qu'est-ce qui vous retient? Vous restez alors qu'on ne voit pas le visage, comme c'est pas une vidéo intéressante, comme une image qu'on voit. Mais c'est la vérité qui sort. La vérité qui sort. La vérité qui sort. Pourquoi? Parce que moi je dis que, regarde, là j'ai sorti la fiche là. Oui. Le combat contre les princes de ce monde. Hein, oui. Le combat contre le prince de ce monde des ténèbres est engagé. Est engagé. Cette vidéo, j'ai l'écouté plus de 7 fois. Oui. C'est le titre de la vidéo là. La vidéo. Là. Oui. Et en l'écoutant, chaque fois que j'écoutais, j'ai découvert encore quelque chose de pertinent. Et là, oui. La parole est claire. Mais quand tout se résume, ici, là, quand ils vont chercher la face du Seigneur, chercher la face du Seigneur, jusqu'à ce qu'il se révèle à vous, à moi. Donc, quand tu dis, c'est la vie de sainteté, tu dis, c'est la vie de sainteté, de pureté de cœur, qui pousse la lumière de Dieu hein, de vous couvrir. Ça, c'est la réalité. C'est-à-dire que si tu es saint, oui, la lumière de Dieu te couvre. Et ça, ça ne s'enseigne pas. Oui. On n'enseigne ça nulle part. On n'enseigne pas. Justement. On va vous dire, tu es la tête et non la tête. Mais ça. Et malgré que tu acceptes ça, tu n'es pas la tête quand même. Non, tu n'es pas. Mais si il faut comprendre que c'est la sainteté. C'est la sainteté qui va pousser le Seigneur vers toi. Oui. C'est quand il y a la sainteté qui va, quand il y a la pureté qui va pousser le Seigneur vers toi. Il faut comprendre que, il faut que je m'arrête un peu. Oui. Comment être saint pour que le Seigneur me couvre de sa nuit. Oui. Ça, c'est important. Ça ne s'enseigne pas. Et ça, c'est la vérité. Mmh. Les gens vont te juger. Et de ce point, là, quand tu l'as tes enseignements là, tu prends. Moi, je crois, j'écoute. Oui. Sans rien dire. Oui. Et puis après, je viens, j'écoute, je prends maintenant les versets bibliques. Oui. Après, je repars écouter pour examiner les versets bibliques. Avec ce qui est dit. Avec ce qui est dit dans ma vie. Oui. Je suis dans la vérité. J'ai que mes yeux pour comprendre que. Bon, on était dans les mauvaises voies. C'est ça, c'est la parole de la vérité qui nous capture comme ça. C'est tout, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Mais d'autres personnes écoutent, ils disent Bamba Iba, connard. Non, mais c'est normalement. Quand les gens ont des oreilles, hein, ils n'entendront pas la vérité. Ils ont la vue, ils ne verront pas que c'est ça la vérité. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est que quand l'enseignement correspond, quand l'enseignement c'est la prédestinée. Oui. Là, tu n'es pas prédestiné, tu n'es insulté. Oui. Parce que le message là, le Seigneur n'a pas permis que tu puisses le comprendre. Oui. Hein? Nous qui avons fait plusieurs trajectoires là, quand on arrive là pour dire que, mais la vie de pureté, le Saint-Esprit, c'est ce qui pousse le Dieu à se révéler à toi. Oui. Donc tu t'arrêtes, tu dis, bon, maintenant Dieu, je fais comment? Comment je fais cette sainteté là? Oui. Je fais comment pour la retrouver pour que le Seigneur arrive vers moi? Et il y a les enseignements donc pour qu'il y a les enseignements. Et les enseignements sont là. C'est pas le bloc, non. Les enseignements sont là. Mmh. Et la Bible, elle est là. C'est la Bible que tout le monde a. Il y avait la possibilité de vérifier. Mmh. C'est tout. Amen. Et pourquoi tu n'as pas dit de le faire? T'as dit, frère Fabien, c'est une grâce. Que les gens comprennent et qu'ils ne comprennent pas. C'est leur problème parce qu'en plus, c'est individuel. Mmh. C'est individuel. C'est ça. Donc, c'était pour montrer, parce que la question me revient quand tu dis, mais qu'est-ce qui nous captive dans ça? Parce que je suis étonné. En parlant de vérité. Après, tu as peur. Tu parles de vérité. Mon côté, quoi. Tanda, c'est comme, je veux dire. C'est comme un témoignage pour moi. Oui. C'est ce que je veux dire là. Oui. C'est comme un témoignage pour moi. Oui. Pourquoi? Parce que quand moi, je suis né, comme le prophète a dit, sa famille était catholique. Oui. Moi aussi, ma famille était catholique. C'est-à-dire que quand tu es né, on termine avec deux tapis, on t'accueille la main, là. Après, quand tu grandis dans cette habitude. Voilà, quand on vous laisse un peu, on vous dit, allez-y, seul, voilà, 100 francs. Quand vous sortez de l'église, achetez les bonbons, les biscuits, revenez. Après, tu vas grandir avec cette philosophie-là. Oui. Mais il y a une chose vraiment, quand j'écoutais l'enseignement, c'est vrai que c'était déjà au milieu. Plus j'écoutais, plus j'écoutais. C'est quand tu dis, vous êtes prédestiné, vous avez été élu. Pour moi, c'est un témoignage. Parce que moi, après les restes catholiques là, quand les parents ont acquis de m'amener là-bas, j'avais seulement un seul réflexe. J'ai dit comme c'est la fin d'année, c'est le 25, la nouvelle an, il faut qu'on aille à l'église. Peut-être que je vais te voir. Tu vas bénir la nuit. Oui. Quand tu pars, tu arrives à l'église, tu dors. C'est une quelqu'un qui t'a touché. Mon petit, la messe est finie, les minuit. Tu fais comment? Donc du coup, je te lève aussi, tu vas à la maison comme les autres. Oui. Tu vas chaîner tous les petits ruelles là pour dire on va à la maison dans le noir. Oui. Tu vas arriver, les gens vont chanter bonne année. Tu peux aussi. C'est comme ça. Mais après, il ne partait plus. Mais quelque chose qui est resté en toi, c'est le style de prière. Notre Père, qui est précieux. Que tu nous as sanctifié. Parce que tu n'as connu que ça. On a fait réciter ça. Donc tu vas continuer dans ça. Mais il y a une chose, c'est quoi? Moi, c'est un témoignage, pourquoi? Parce que. Tu as fait un bécile de là, il est pour le petit là. Quand tu as dit jeune homme, jeune de ta jeunesse. Ecclésiaste 2. Voilà, mais la fin sera jugée. Frère Junior, frère Fébert, pour moi, c'est grave. Parce que quand moi j'ai grandi, je remercie encore Dieu pour ça, je me rends grâce aujourd'hui pour ça. Parce qu'avant, je n'avais pas l'importance et l'impact de ça. Je suis un homme qui aime travailler. Je suis un homme qui ne croise pas les doigts. Là où tu me vois, là, si tu me dis casse-moi le talus, je casse. Fais-moi le béton, j'ai fait. Fais-moi ça, j'ai fait. C'est-à-dire que je ne sais pas sélectionner le machin. Mm-hmm. Et sinon, pour manger, vous savez que pour manger, il fallait travailler. Oui. Que si tu vas acheter un sac, il faut travailler. Que si on veut passer, en fait, c'est extrêmement logique. Travaille pour manger. Oui. Donc, on peut dire que j'avais une travail de quoi. Mm. Tu voulais vivre de propre force. Non, en fait, je ne sais pas que je voulais vivre. Mm. En fait, j'avais cette capacité-là oui. que Dieu m'a donné. Et tu peux faire tout avec ton corps. Oui. Tu avec peux faire force. N'importe quel but. En fait, avec n'importe quel job avec ton la corps. Qu'il a donné, avec oui. ta force qu'il a donné. Mm. Et tu, en fait, il y a juste pas paresseux. Oui. T'as dit, si par exemple, on dit, faites ça là. Mm. Dieu a dit, non, c'est pour moi parce que c'est produit. Mangez bien, j'ai fait. Oui. J'ai travaillé comme un japonais. Oui. J'ai travaillé beaucoup. Et pour peu d'argent. Oui. C'est-à-dire que je peux faire un bricol là. Parce que c'est combien? Peut-être 300 000. Moi, il y a peut-être 200 000. Il y a peut-être 70 000. Oui. En fait, moi, ce n'était pas le montant, le montant qui m'intéressait. Mais moi, c'était le fait d'avoir ton propre argent. C'est-à-dire tes propres revenus. Pas ton travail. Donc, j'ai grandi avec. Mmh. J'ai grandi avec. À un certain âge, dès la seconde, mmh. j'ai commencé à faire tout seul. Oui. Tout ce que vous le savez. Sans tes bricoles. Si tu veux la chaussure, sans tes bricoles. Mmh. Si tu veux tout, c'était du coup. M'arrive à un niveau où j'avais plus de 6 paires de chaussures dans l'année scolaire. Il y avait 6 jours dans l'année scolaire. Et j'avais acheté pour pas toi-même. Par moi-même. C'est-à-dire j'avais une paire de chaussures lundi, une paire mardi, une paire mercredi. Mais quand j'arrive à l'école, on t'en dit. Oui. On ne sait pas que c'est toi voilà, qui t'en alors que c'est pas tes parents qui achètent. Voilà. Oh, c'était moi-même. Tu m'as un peu quoi. On t'en dit tellement quoi. Ah, tu as une paire de chaussures hier. Mmh. Tu as une autre chaussure. Tu as beaucoup, hein. Mmh. Tu vois. En fait, c'est dans cette optique-là. En fait, elle dit, mais il y avait une chose. Mm-hmm. C'est que l'homme cherche Dieu comme un abîme, mais sans le savoir. Mm-hmm. Sans vraiment le savoir. Mm-hmm. Quand tu quittes le matin, quand tu vas à l'école, tu es dans le taxi-bus. Mm-hmm. Tu as un trajet à faire. Tu quittes Libreville, tu étais là-bas. Oui. Pour venir à prendre l'eau. Tu manies peut-être tout ce parcours-là. Oui. Pour en arriver là. Pour moi, c'est moi un témoignage. Donc, quand tu as la voiture, tu dis Seigneur, protège-moi. Tu dis Seigneur, protège-moi. Oui. Où je m'en vais là. Seigneur bénis cette journée. Mmh. Ce n'est pas en sorte que cette journée soit meilleure par rapport à celle d'hier. Oui. Tu vois, tu pries. Mais et encore, moi, bien, quand tu arrives encore à la maison, notre père qui est au-dessus. En fait, tu mélanges les prières, mais tu n'es pas plus là-bas. Oui. Mais tu as quand même l'esprit qui était resté dans l'église catholique. Oui. Alors, j'ai grandi comme ça. J'ai dit, c'est moi-même. Quand les vacances arrivent, moi, j'ai fait. Mmh. Mais là, on peut te dire, moi, je ne vais pas à l'école au matin. Oui. On se tape à 13h. Quand tu es 13h de l'école, j'arrive à l'aide de la tenue, je prends ma brouette, je prends ma pelle, ma pioche, ma vie, je casse le talus. Oui. Je casse jusqu'à 17h, 18h. Je viens, je me lave, je prends le cahier. Oui. En fait, j'avais encore une facilité avant, c'était quoi? Vous pouvez lire un cahier pendant 30 minutes oui. et comprendre le contenu. Oui. En 30 minutes, je prends mon cahier, j'ai lu, je comprends le contenu, oui. j'ai fermé, je dors. Oui. Maintenant, ma tête, c'est la même chose. Donc, après, j'avais parlé comme je suis pas à l'école, oui. je m'en fais des petits jobs, non, je faisais tout depuis le lycée. Oui. Donc j'ai grandi comme ça. Mais, et quand je suis venu à l'école, tu dis, Seigneur, protège-moi, Seigneur, protège-moi. Mais parce que j'ai dit, c'est parce que l'homme est ingrat. Oui. Enfin, je veux dire, parce que j'ai été ingrat à un niveau, oui. mais sans le savoir. Mais Dieu te protégeait effectivement. Et Dieu me protégeait. J'ai fait le parcours là, pendant 3 ans, oui. Libreville au Bendo. Oui. J'ai fait la mort, voire foi. Oui. Et si la voiture me tamponnait, c'était catastrophique. Oui. À la montée de le pont du Seine, il y a un qui va au 12. Oui. Il y a un qui va, avant d'être venu là-bas, mais ceux qui vont au 12 là, quand tu es jeune, tu les quittes aux oreilles. Oui. Je vous assure, je ne savais pas d'où venait cette voiture-là. Mais on a fait ça comment? C'est le classement des gruniers là. Gros camion là. Les gruniers, voilà, là, c'est le grunier là. Oui. La tête du grunier oui. était déchargée. Ceux qui prennent les conteneurs là, oui. était déchargée. Oui. Je descends à peine du taxi bus parce que je voulais un peu profiter. Oui. Si je monte sur l'échangeur, je paye 300. Oui. Si je descends avant l'échangeur, je paye 200. Oui. Alors je profite à faire un kilomètre à pied pour arriver où je prends le taxi bus pour arriver chez moi. Oui. Je n'ai que 100 facteurs dans la poche. Donc je vais payer 200 là, oui. je fais un kilomètre à pied avec un taxi qui a mis ça chez moi. Oui. Je vous dis, je ne sais pas. Allez, je descends de la voiture, je me quitte aux oreilles. Même en fou, pas faire ça. T'as dit traverser la route sans regarder à gauche et à droite. Mm. Mais quand moi je mets le pied, je voulais traverser la route. Mm. Frère Foubert, que j'ignore, je ne sais pas de venir cette voiture-là. Mm. Et c'est une voiture qui me dit quitte en route, mais mm. regarde derrière toi. Mm. Quel gars derrière moi, la voiture déjà là. Mm. C'est vous. Vous imaginez quand il est là, c'est moi la tête là. Oui. il fait seulement boum. Donc le camion fumé n'a pas de bois derrière. Il n'a pas. Quand c'est court. C'est juste la tête. Oui. Et moi je suis juste, c'est-à-dire c'est un pied. Oui. Limite, limite. Limite dans le trottoir. Mais quand la route est vraiment resserrée. Oui. Elle est vraiment serrée. Oui. Tu as vu les traversées. Et si c'est cogné là-bas, il partait, c'est bon. T'as dit si le cogné là, c'était la mort sur place. Et là, tu as les choses à l'oreille. Je le quitte aux oreilles. Oui. Mais j'ai d'abord regardé à gauche. T'as dit j'ai regardé d'abord la direction de venir les voitures. Oui. En fait, ça sens unique. Oui. Quand j'ai regardé, il n'y avait personne. Oui. Mais quand j'ai mis le pied, oui. Quelqu'un me dit, c'est moi, regarde derrière toi. Oui. J'ai juste un coudé. Quand j'ai le coudé, la voiture est déjà là. Oui. Et quand j'enlève tout le corps de la route, c'est wouh. Il ne s'est même pas arrêté. Oui. Il n'est pas klaxonné pour dire, mais toi, chez nous, comment? Oui. Il est parti. Oui. Il y avait un qui était là qui m'a vraiment regardé bizarrement le lendemain matin. Et tu as eu la chance, hein? Oui. Tu voulais mourir ou quoi? Donc, là, c'était le parcours de ces trois ans-là. C'est-à-dire, tu n'es pas au courant. Oui. Toi, tu es dans ton monde, tu écoutes la musique mondaine et qu'on sait qu'on sort. La deuxième fois, je quitte la maison encore, le même trajet là. Oui. Au pont d'en bas, où il te dit c'est là où lui s'arrête. Oui. Tu as vu, il y avait une plaque juste en haut. Oui. Juste la plaque là. Le chauffeur n'a pas vu le chauffeur n'a pas vu le fou sortir de là. Oui. C'est-à-dire c'est tu vois un fou, c'est de nulle part, avec un fer de construction en main. Oui. Le fer de 8 là, pas de 10, pas de 8 là. Long comme ça. Long comme ça, ça met qu'il est en train de traverser la route. Oui. Le chauffeur n'a pas vu venir. Oui. Subitement le chauffeur freine. Et quand il freine, c'est-à-dire qu'il n'a pas mis les phares, il n'a pas fait un jeu de signal derrière pour dire il y a quelque chose qui est devant moi, il veut m'arrêter. Oui. Subitement c'est arrêt. Quand il s'arrête là, qui est derrière moi, les camions de sable. Oui. C'est-à-dire ma voiture là, je suis assis à la banquette arrière parce que ce sont les longues places, les 19 places. Oui. Je suis tu es dans la voiture qui est derrière. Je suis dans la voiture, mais je ne suis pas freiné. Oui. Maintenant, derrière moi, il y a un camion de sable qui vient. Oui. C'est-à-dire comme ça, c'est là que j'ai pour le livre de sable. Oui. Peut-être sûrement pour le chargement. Oui. Mais lui, c'est un big value. Oui. Et moi, je suis assis à la banquette arrière. C'est-à-dire s'il y a un choc, il t'appuie là-bas. Juste la première partie. Oui. Mais qu'est-ce que le gars fait? Le gars a dévié la trajectoire. Oui. Et quand il dévie la trajectoire, il reste mort. On va être là que de freiner. Il a nous traversé même. Le bouton noir, si. Voilà, il a nous traversé même. Tu vois, il y a deux voies. Oui. Il y a une voie, c'est une voie. C'est-à-dire qu'il traverse pour le plus chelou. Oui. Il traverse la route. Oui. Et quand on se tourne, on se rend compte que si le gars là nous tamponnait là, oui. Il défendait la mort sur le champ. Oui. La troisième fois, j'ai fait la mort sur cette scène croisée là. Mais j'étais avec ma femme là. Oui. Quand on s'était vraiment chamaillé. Oui. Après, j'étais. Après, elle a vraiment l'esprit, c'était une fille. Oui. Mais elle était, on n'est pas avec les moyens, elle n'était pas à cause des parents, mais elle était vraiment saine. Mais elle avait un esprit en elle d'autorité. Oui. Elle est venue nous, quand j'ai dit A, c'est A. Oui. Quand je me suis fâché, je me suis fâché. Oui. Bon, maintenant, tu as des amis qui disent que quand tu viens, quand tu me dis que tu ne peux pas s'en aller, tu te dis, ben écoute, c'est la femme. Oui. Elle est comme un bébé, il faut que tu la caches, le console, voilà comme ça. On s'est chamaillé quelques jours avant. Oui. Très génial. On se retrouve au feu rouge. On se retrouve au feu rouge, on prend les voitures pour se rendre à l'école. Quand je monte, j'étais assis vers la banquette arrière, c'est-à-dire une place avant la banquette arrière. Oui. Mais je suis arrivé avant, elle est en taxibus. Oui. Mais quand elle arrive, oui. Qu'est-ce qu'elle fait? Comment est-ce qu'elle mentionne les problèmes? Oui. Elle va dire c'est ça plus de moi. Oui. Elle va sort plus loin que moi. Elle va vraiment pour qu'on puisse la toucher bien, pour qu'on puisse la discuter. Oui. Et en cas, quand on appelle, c'est deux poteaux, non? Deux poteaux, quand on a c'est deux poteaux, non? Après le 5. Deux poteaux, après le 5. C'est deux poteaux, non? Quand on démarre là-bas, on roule, arrive à ce carrefour. C'est pas carrefour, hein? Oui. C'est sans carrefour, on appelle deux poteaux. Oui. Là encore. Oui. Le chauffeur fait encore une mauvaise manœuvre. Oui. Là, on pouvait aussi pouvoir passer. Oui. Je pense que deux jours avant, trois jours après, elle et moi s'est réconciliée. C'est-à-dire qu'on a un problème. Oui. Puis elle m'a dit ceci. Oui. Il y avait deux esprits dans la voiture qui ne s'entendaient pas. C'est parce qu'ils ont voulu mourir. Oui. C'est qui m'a dit ça. Oui. Elle s'est mise à rire. C'est parce qu'on s'est chamaillé. On voit ce qui s'est passé, Dieu nous a venu punir comme ça. Mmh. Et moi, il faisait comme ça, il dit, bon, ok. Mais frère Junior, Donc en somme, même sans que tu ne connaisses pas Dieu, sa main était sur ta vie. Et qu'il y a su ma vie. Mais là, je veux continuer le témoignage. Et c'est comme ça, tous ceux qui sont de Dieu, même dans le mal, même dans le péché, même dans ta vie mondaine, tu sais que tu n'es pas censé être là. Il t'amène petit à petit. Sa grâce est avec toi pour te montrer que tu ne dois pas être là-bas. Il veille sur toi. Ouais. Ouais. Continue. Donc, là, c'est cette histoire-là. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, là, que ça fait, parce que moi, j'aime vraiment cette fille. Oui. Mon frère là, en fait, lui, il était là. Ils sont là. Il était surtout là. Mmh. À l'école, dans ma propre école. Mmh. Je ne dis pas que je suis super intelligent. Mmh. Non. Mais à l'école, j'étais parmi toujours. Il y a des temps que j'étais toujours parmi la tête. Mmh. S'il y a 5. Donc tu étais à la tête, tu étais en bas. Non, c'est des signes. La tête, non, à la queue. Non, pas la queue. Mmh. Mais s'il y a 5, mmh, c'est parmi les 5. Mmh. S'il y a 3, mmh, c'est parmi les 3. S'il y a 2, c'est parmi les 2. Mmh. Mais s'il y a 1, c'est pas moi. Mmh. Là, c'est vraiment honnête. Parce que j'ai appris dans des écoles, il y avait toujours des petits qui étaient plus fraîches que toi. Mmh. Voilà. Mais, quand j'ai connu cette fille-là, mmh, je l'ai connue, moi étant en première, mmh, elle était en seconde. C'est moi en fait qui appelé, j'ai appelé un frère qui m'a donné très classe dans le temps. Mmh. C'était sa prothèse, c'était sa conseil de classe. Mmh. Donc, on était appelés ensemble. Donc, quand j'avais pâté, j'ai pâté le rang de visite, on s'est installé pour dire, bon, tu es plus nouveau ici, là. Là, vous se comporter, donc je suis tombé sur elle. Mmh. Et ne sais pas si Dieu se conquérit, mmh, ou Dieu ne se conquérit pas. Quand j'avais écouté enseignement sur la prédestination, mmh, tout est prédestiné. Mmh. Et quand je sais que quand la femme qui est réservée à toi, mmh, si vous jamais se met un peu, mmh, donc moi le cœur, vous allez, tu vois, t'avais mis les couteaux, les conseils qu'on sort. Mmh. Au lycée, j'ai reçu des injures. Mmh. Dans ma maison, oui, mais ce que tu as vu aujourd'hui là, oui, même la mère que tu as vu là a insulté, mmh, cette fille là. Mmh. Mais pas devant elle. Oui, mais juste là tu l'aimais. Pas devant elle pour dire non. Oui, mais justement, mmh, je n'ai dit que c'est ma femme. Oui. C'est là que j'ai choisi, vous ne pouvez rien faire. Au lycée, quand tu marches, oh non, parmi tous les filles que tu as vu là, tu as vu les bagues de pain comme ça pour les récupérer comme femme. Mmh. Nous sommes là depuis avec toi depuis 3 ans, mmh, tu ne nous vois pas. Donc, il y a quelqu'un que tu as vu. En fait, elle est comme ça. Mmh. Il y a quelqu'un que tu as vu. Et c'est que ma femme était vraiment belle. Parce qu'elle avait juste un petit corps. Comme le bâton de baguette de pain, quoi. Voilà, la baguette de pain. Elle était vraiment. Mmh. C'était comme ça. Donc, même comme tu l'insultes alors. Non, non, non, non. Mais non. Et puis, voilà, c'était la réalité. Mmh. Elle savait que. En fait, elle sentait un peu maigre. Elle-même, elle était consciente de sa. Voilà, de son corps, elle sentait un peu maigre. Donc, du coup, elle se disait que. Elle était un peu différente de la société. Dans la tête, c'était ça. Mmh. Donc, du coup, quand, si elle me laisse mon sein, elle fait les choses en cachette. Mmh. Elle veut que ça soit en public et qu'on se met une très belle femme. Mmh. Mais ça veut le temps que mes amis commencent à me dire, mais ta femme, elle est vraiment belle. Mmh. Juste quand elle veut se cacher, mmh, il dit que mets-toi là, tu es ma femme. Mmh. Sans t'insulte, c'est moi qui ai insulté. Sans t'insulte, donc c'était vraiment comme ça, quoi. Mmh. Je ne connaissais même pas encore Dieu. Mmh. C'est-à-dire vraiment de manière physique, vraiment manger comme ça. Mais elle a quand même des petits pincettes de sa volonté. Et c'est plus l'entente de deux hommes, quoi, mmh, en passant de couple. Alors, il y a eu dans ma vie un déclic, le déclin. C'est-à-dire, quoi, on m'a dit, quand tu es élu, tu es élu. Mmh. Si tu n'es pas élu, tu ne vas jamais entendre la parole de Dieu. Mmh. Je gagne le bac. Quand je gagne le bac encore, c'est tellement extraordinaire. Mmh. C'est quand je gagne le bac en 2013. Pour quelle université? Les vacances là, il y avait qu'il y avait plus de 300 000 même. J'avais mis l'argent de côté, elle me soutenait un peu, quoi. Voilà, fait des concours, fait ceci, cela. Un an après, gagne son bac. Et moi, je suis en première université. Bon, je me rappelle qu'est-ce que j'ai fait au Gabon comme formation, n'est pas vraiment fiable. Il faut que je n'ai pas fait cette formation là en France. Mais ce n'est pas. Ce n'est pas plus du jour au lendemain. Non. Elle est prise parce qu'elle aussi. Elle va faire ses papiers. Il va faire ses papiers pour. Elle fait ses papiers pour aller en France. Mmh. Alors je m'engage à faire les papiers pour aller en France. Mmh. Avec elle. Mmh. Je parle devant Dieu. Mmh. Je n'ai pas un seul rang. Mmh. Je n'ai pas un compte bancaire. Mais j'ai une bourse qui vient de 1000 francs qui passe chaque fin du mois. Mmh. Alors j'engage les procédures. Elle engage. Mais, quand t'engages à posséder la France, il y avait un comportement. De toute façon, après, il pose la question. Oui. Là où elle se trouve en France maintenant. Oui. Si elle t'appelle, elle te dit qu'elle revient, qu'est-ce que tu fais? Tu seras l'homme le plus heureux. Le plus heureux, parce que moi, en fait, toujours. Oui. Ouais. Tu ne dois plus me connaître au Cameroun, quoi. Non, non, mais pas du tout. Mais puisque je cherche la parole, je veux que tu te fuis. Maintenant, elle vient maintenant, elle dit que si tu veux aller avec moi, avec le frère junior, là, je veux que tu aies des enseignements, là, il dira. Non, non, non, c'est impossible. On va faire comment donc alors? C'est impossible, quand tu as soumis l'enseignement, j'ai mal à la porte. Tu la laisses partir, ta femme. Non, pas laisser partir tant que tu es. Je dis, bon, si tu prends ton choix, oui. Si tu fais ton choix, oui. Si elle me demande de quitter la parole, oui. Ça, c'est impossible. Oui. Ou le silence. Pourquoi? Si tu moi, si tu es moi, de quoi je parle. Oui. Alors donc, quand tu as fait ces papiers-là, oui. Je sentais un petit comportement envers elle. Oui. Je ne sais pas si elle avait eu des conseils des parents ou pas, mais elle était trop réservée dans ses démarches. Oui. Et moi, j'étais trop pour elle. Donc, elle était fermée. Elle ne disait pas ces choses. Elle ne disait pas ces choses. Et toi, tu n'as pas de conseils. Tu disais à tout le monde. À tout le monde. Le papier pour aller en France. Voilà. Donc, du coup, il y a une partie qu'on défend en commun. Oui. Il y a les mêmes procédures qu'on avait faites. Oui. Quand elle part, elle a des renseignements, elle ne me dit pas. Oui. Et quand moi, j'ai des renseignements, j'ai dit, j'étais là-bas. J'ai fait tes renseignements, voilà. Oui. Oh, là, c'est le téléphone, un document qui est un peu difficile à obtenir. Oui. Je l'informe aussi tôt pour dire, il y a un document qui est difficile à obtenir. Mais elle, quand elle faisait des choses, elle ne me disait pas. Oui. Et quand après, j'ai découvert qu'elle a fait, elle ne m'a pas dit, elle me dit, non, j'ai oublié. Parce que j'ai quelque chose à l'information. Oui. Donc, c'est le comportement qu'elle avait oui. Avant qu'elle ne voyage. Oui. Mais frère, c'était le début de mes malheurs. Courage d'accord. Parce que là vraiment, j'ai dit. Peut-être si c'est resté ici, tu ne vas pas connaître le Seigneur Jésus. Ouais, peut-être aussi. Puisque elle t'a laissé dans le malaise, ça a permis que tu médites et que tu restes dans la chambre pour que Jésus vienne te trouver. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc toute chose concourt bien le Seigneur aime Dieu. Dieu. En fait, vraiment, c'est au début de mes malheurs. En fait, c'est au fait avant. Tu peux venir me dire mon petit. Le vampire existe. Oui. Assassinerie existe. J'ai été dit aussi grand, ramène tes conneries là-bas parce que moi je ne crois pas à ces choses. Quand Dieu a dit A, c'est A. Quand Dieu a dit B, c'est B. J'avais encore ma pensée en tête. Si tu veux manger, travaille. Si tu veux faire ça, travaille. Donc tu avais tous ces maximes là qui te permettaient de vivre. Voilà. Non, pas tout. J'avais seulement dans ma tête pour dire si tu veux manger, travaille. Si tu veux faire ça, travaille. Mais. J'ai vu ça avec mes yeux, ce qu'on appelle la sorcellerie comme ça. Mais si tu me dis, explique comment ça se manifeste, je vais te dire, je ne peux pas t'exprimer. Le voyage, je l'ai gâté. Elle a eu finalement son visa quand tu n'as pas Elle a eu le visa, elle est partie en France. Oui. Un mois après, j'ai encore essayé les procédures pour. Bon, un mois après, quand elle est partie, j'ai fait un mois dans l'attente, la demande de visa. Oui. Parce qu'il fallait remplir certaines. Conditions. Oui. Mais dans ma démarche de visa, oui. Je n'ai pas les sous. Oui. Alors je me mets à jouer au PMU. Là, je ne joue pas, je ne joue pas au football. Oui. Je joue au Paris Mutuel. Paris Mutuel de chevaux. Les chevaux. Pour gagner un gros lot. Pour gagner un gros lot en espérant que je parte en France. Oui. Ça c'est terrible. J'ai fait tout le mois d'août. Tout le mois d'août. En juin. Avec mes petits comités que j'avais en banque, il y avait quelque chose comme 200 000 de bourses qui avaient réservé un peu pour les petits papiers, pour être à gauche, à droite. J'ai commencé à jouer PMG, Paris Monsieur Lubin, des chevaux là. Oui. Tout le mois d'août, j'avais 4 chevaux par course par jour. Oui. C'est-à-dire le mois d'août, c'est-à-dire quand tu as dit aujourd'hui, je mets à la course. Oui. Même je m'ai analysé. Le mec à la course se déroule, J'ai l'offre. Les 4 premiers chevaux. Oui. Mais le 5e cheval qui doit être arrivé sur le 6e. Oui. Et le 6e, mon 5e sera terminé dans le papier. Oui. Lui sur le 6e. Oui. Et celui qui sera 6e chez moi là, c'était vraiment l'indice. Oui. L'indice tout le mois. Oui. Ou alors quand je joue, j'aligne le 4e, le 5e dans l'ordre. Oui. Premier, 2e dans l'ordre. Mais le 3e n'est pas là. Pas là. Je joue, je me les élargis. C'est-à-dire, je mets X, je mets 3 chevaux, je mets 2X. Oui. Plus les assurés, c'est pour dire. Si ça tombe là, si ça tombe là, on va sûrement remplacer. Oui. Donc ça fait 2 fois plus. C'est-à-dire, si on disait peut-être faire 50 millions la course. Oui. Donc si je mets 2X, monsieur, c'est la vente de 50 millions seuls. Ça nous c'est 10 millions arrivés, tu as 20 millions. Il y a tout ça tout le mois d'août. Oui. Bien, j'ignore. Je m'appelle un jour, j'arrive dans un kiosque. on a appelé les délégués. Il me dit, mon petit. Il y avait d'abord un jeune homme, une femme après qui est arrivée. Oui. Il arrive, il me dit, mon petit, j'ai tout un papier là. Si nous mettons le système de papier là, on va gagner. Quand tu suis bien là, tu as quelque chose par contre là. Si nous mettons le système de pas là, tu vas gagner. Il dit, non, ça ne peut pas arriver. Enlève-moi le système là. On allume. Il est arrivé ce système-là. Sur ce système là, j'avais pris dans l'or. Ça avait payé combien? 500 000. Donc on devait multiplier par deux, j'allais avoir 1 million. Et si j'avais ça, je partais. Que des blocages. Et là, tu cherchais seulement l'argent pour partir. Pour partir. Mmh. Que des blocages. Mmh. Que des blocages. Mais là, c'est plutôt l'argent, l'économie qui est en train de défuser. Voilà, défuser, j'ai multiplié les chances. Mmh. Ça ne fallait pas partir. Mais ça ne faisait plus rien. Parce qu'il y avait que 200 000, c'était insuffisant. Mmh. Voilà, enfin. Donc je peux faire les combinaisons de 10 000. Mmh. Je ne fais plus le marché de 500. Mmh. Et il fallait faire le marché de 10 000. Mmh. Pour avoir beaucoup plus de chance. Beaucoup plus de chance. Mais ça ne marchait pas. Mmh. J'ai vu ce qu'on appelle vraiment avec mes yeux. Mmh. Mais je ne peux pas estimer ça. Mmh. Je dis, ça c'est la sorcellerie. Déjà, pourquoi les jeunes se livrent au jeu de hasard ici comme ça, en Afrique particulièrement? C'est à cause du manque d'espoir ou bien la soif de gain ou bien le vouloir réussir facilement? Ouais, en fait, on est ici qu'on peut réussir. C'était pour passer le monde. C'est un passe-fou. Mmh. Si tu veux l'argent, rapidement. Tu déposes, tu multiplies, après ça va te rapporter plus. Mmh. Tu veux pourquoi? Mmh. C'était comme ça. C'était vraiment fort, très génial. À la maison, il y a eu des problèmes. Mmh. Je demande des problèmes de ce soir. Je ne peux pas exprimer. Mmh. Bon, alors, dit, ça a commencé à te faire prendre conscience du fait que tu peux avoir des problèmes spirituels qui sont débloqués. Mais là, mais pas encore. Mais pas encore. Mais pas encore. Mmh. Je vois, j'ai encore cours. Oui. J'ai encore espoir que je peux y arriver. Oui. Là, je demande le visa. Oui. Le visa a refusé. Oui. C'est le choc. C'est le choc. Mais sur le cas, il dit, bon, en tout cas, c'est pas grave. Je vois, je l'ai raté, oui. Ça va aller. Oui. La même nuit, oui. J'étais mort. Je dis bien, j'étais mort. Oui. Il dit que quand j'étais mort, j'étais dans le rêve. Quand tu rêves là, oui. Tu sens que tu es déjà mort. Le pied ne bouge plus. Oui. Même, tu peux bouger le pied dans le rêve. Yeah. Tu ne peux pas bouger. Oui. Tu peux bouger la main. Mais tu as l'impression que les gens t'attachent, les gens t'attachent le cerveau. En fait, tu es peut-être balbouti, tu es attaché, tu es ceci. En fait, je ne comprenais pas. Oui. Mais à l'intérieur du Seigneur, aide-moi. Oui. Je me réveille. Quand il ne me réveille pas, un bain. Je prends le bain, je vais me coucher sans problème. Et c'est à partir de cette nuit-là, j'ai dit à partir de cette nuit-là que j'ai commencé à avoir des problèmes spirituels, de mauvais rêves que tu peux expliquer. Et tu vois, tu t'imagines que tu es dans un vélo. Tu pédales, subitement tu vois un bois, t'as dit les troncs d'arbre couché au sol. Oui. Subitement devant. Subitement. Donc tu viens esquiver. Après tu sautes du vélo. Tu sautes. Comme j'ai chien, voilà. Dans l'air comme ça. Mais dans ta tête, dans le rêve, tu as l'intention d'atterrir. Il te couche, il vient t'allonger, pour dire j'ai mal. Mm-hmm. Mais quand tu as touché comme un ballon, tout. Tu sens que là-bas, ça fait encore tout. Ça fait encore tout. Mm-hmm. Voilà, je suis tremblé dans les rêves. Voilà, tu as dit ça fait comme un ballon, quoi. Mm-hmm. À un moment donné, c'est comme si tu étais sur un toit, sur des gratte-ciel. Mm-hmm. Tu tombes, tu dis pour moi, c'est fini, tu es mort. Mm-hmm. En fait, c'est dans le rêve, c'est que là, tu es mort. Mm-hmm. Mais quand tu arrives, c'est à base des rebonds et des rebonds et des rebonds. Puis justement, c'est un mot, tu te réveilles subitement. Bon, tu dis, j'étais. Un soulagement. J'étais où? Où? Tu vois, en fait, tu es là, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, mais j'étais où? En fait, là, c'était vraiment des choses vraiment terrifiantes. À base des mêmes rêves. À base des mêmes rêves. À base des mêmes rêves. Il n'y avait pas de plus de nuit. Qu'est-ce que les choses comme ça? T'as dit, je n'ai pas un rêve même. Tu es dans une glace, t'as dit, tu es déjà mort. Dans une glace, c'est pas sûr sur le film de bon, je vois que Camille suis avant encore. Quand je pense que c'est une mission impossible, c'est parce que le dos sur le toit à la fin d'après le bandit, il met dans une glace, il met de là à l'intérieur. T'as dit, il était d'ici là, il peut pas sortir, il est étouffé, il tape en haut, il peut pas sortir, il tape, mais à l'intérieur, ce n'est pas moi. Tu as vu, c'est l'esprit. Tu nous en fait, t'as dit, moi, j'avais vu, en fait, c'est comme ce qui bouge. Tu bouges, mais tu es encerclé. Tu es dans une glace. Oui. Tu es encerclé. Tu t'habilles là. Rien. Mm-hmm. Tu cap en haut, rien. Il n'y a pas d'espoir d'être libéré. Mais tu es étouffé. En un mot, tu es étouffé. Mais tu es dans le rêve. Mais quand j'ai quitté un peu de bizarre avec moi, frère Fibes, c'est le fait quand je rêve là, je suis conscient que ça fait des rêves. Donc dans ces rêves, tu es conscient que non, ce n'est pas la réalité. C'est pas, voilà. Après, subitement, je me réveille. En fait, comme ce que tu dis, ce que tu fais là, c'est faux. Réveille-toi. Et quand c'est plus faux pour te dire, Seigneur, aide-moi. Subitement, je te réveille. Si je ne dis pas, Seigneur, aide-moi, ça contient que maltraiter, à te maltraiter, on te met le corps au cou, on t'attache le cou. Et là, tu ne vois pas les personnes qui te font tu ça. Tu ne vois pas. Oui, pourquoi tu te fais ça? Pourquoi on te fait ça? Ça, c'est après avoir fait le voyage. Oui. J'ai commencé à subir dans la vie. J'ai commencé, avant, je ne subissais pas. Le fait là, si vous voulez un bricole, je sors. Je m'avais acheté entreprise, je m'avais demandé comment me créer un bricole. Il n'y avait même plus l'espoir d'avoir un bricole. Même plus l'espoir d'avoir un petit job, quelque chose comme ça quoi. À l'époque, ça n'allait plus. Tout était bloqué. Bloqué. Ça allait de catastrophe en catastrophe. Ma petite amie en France, même pas trois mois, quand elle est arrivée, même pas trois mois, elle m'a dit, entre toi et moi, c'est terminé. Sans, pour rien comme ça. Sans problème. T'as dit, c'est pas quand c'est pas quand t'as appelé. Elle vient encore jeter des buts au feu. Voilà, c'est pas quand elle a appelé pour dire, ton gars, c'est avec ton gars ici là. Voilà, comme elle a jeté des buts au feu, tu vas prendre cette eau aussi, tu vas boire, pour que ça calme un peu. Et tu vas prendre ce maïs ici. Mange un peu, d'accord, frère. Mange. Même si elle a fait quoi en France, on s'en fout. Mange le maïs, d'accord? Est-ce qu'elle peut avoir le maïs frais comme ça là-bas? Alors mange ça, tu bois l'eau glacée. Que le Seigneur te bénisse. Donc calme-toi, mange d'abord, on va se reprendre. Tout à l'heure. Ouais. Tu vois mon frère parler la sueur pour le subir. Le fait qu'il mange, il boive l'eau comme ça. C'est ça non? Frère Fibert, toi tu as éliminé les choses ici qui te marquent beaucoup. Donc comme il pleut là, on pose demain matin. Et bien pour continuer, nous sommes d'accord. Que le Seigneur te bénisse. Ah, vous avez des grands témoignages. Laisse la petite là comme ça, d'accord. Mange ça, tu bois. Mange ça, tu manges bien. En France, il n'y a pas de bon maïs comme ça. Hein. Mange ça, tu bois l'eau. Que le Seigneur te bénisse, d'accord. Non, non, demain. Parce que la pluie, là, fait beaucoup de bruit, non.